Bonsoir, mes chers auditeurs, bonsoir. Vivre et créer à la montagne, ce soir se consacre entièrement à un événement de vivre et créer à la montagne, justement de recréer. Et c'est la fête du ballon d'Alsace. Alors, les feux ayant été remis, on les fera peut-être à l'équinoxe d'automne. Il devait avoir lieu le 16 juillet, puis le 19 août, et puis ça a été remis peut-être à l'équinoxe d'automne, 24, voire... Si c'est comme en 2003, ça sera un hiver au solstice d'hiver, dans la neige. Bon, eh bien, on verra, on sera informé. Donc, si les feux du ballon n'ont pas eu lieu, par contre, la fête du ballon, qui n'avait pas eu lieu depuis 2019, a bien eu lieu. Et cette fête, ben, on y est depuis, nous, on est au ballon depuis 92 avec les feux. C'était en principe les 27e cette année. Mais la fête du ballon, qui s'est créée juste après, dans la foulée, on y est depuis 1998. C'était d'abord les trois offices du tourisme riverain qui s'en occupaient, Masvaux, Saint-Maurice et Giromagny. Et puis maintenant, c'est l'association Transhumance et Traditions de Giromagny qui présentait donc des artisans, des métiers, des vieux métiers comme les vanniers, les aiguiseurs de couteaux, le cuir, et puis comme animation artistique, les corps de la vallée de la Ture, très sympathique. Bon, que vous n'entendrez pas beaucoup là, sauf de loin, parce que j'étais très occupé. Nous, on était très occupés avec notre propre animation qui se déroulait dans la clairière des Démineurs, juste dans l'extrémité sud de la fête, pas loin de la belle Chavande qui est toujours là, hein, qu'on peut voir avec sa couronne solaire. Bon. Eh bien, on s'est donc retrouvés nombreux. Alors, la fête du ballon, bien sûr, il y avait beaucoup de monde. Et nous, notre clairière des Démineurs, notre village des auteurs régionaux et aussi de quelques artistes, ah ben, et puis bien sûr les musiciens, que vous entendrez beaucoup, eh bien, ça s'est donc déroulé d'une façon on ne peut plus heureuse. Alors voilà, donc l'ordre de l'émission de ce soir, avec des horaires à peu près, bien sûr, à 2-3 minutes près, mais voire c'est à peu près calé quand même, eh bien l'émission de ce soir nous amènera tout d'abord à la présentation du ballon, de la fête du ballon, enregistrée au début, avec la musique, les chansons de Michael Griesser qui... appuyé par les harmonicos de votre serviteur un peu, et les chansons de Michael Griesser qui ont assuré la musique toute la journée de 10h du matin, 10h30 à 18h. Alors, ensuite, vous trouverez les écrivains. Alors, les écrivains, eh bien, ils étaient une vingtaine, et je vais vous dire l'ordre de passage de ces écrivains. Vous trouverez donc... En premier lieu, Jean-Louis Hantz. Alors, je ne vais pas raconter tout ce que chacun fait, puisque c'est raconté juste ensuite. Jean-Louis Hantz, puis Edwige Claudel, puis les éditions de la Goutte d'Étoile, puis Noé Lacaï, Alain Bérard. On trouvait ensuite, c'était une artiste plasticienne. C'était Lise Angelini, représentée par Lydie, en fait. Les éditions Edisto, les livres régionaux du bouquiniste Stefanelli. Puis, ça c'était sur le chapiteau oriental, puisqu'on avait 5 chapiteaux. Sur un autre chapiteau méridional, si je peux dire, on avait les éditions de La Pigne, René-Vincent Viry. Après, bon, l'interview m'emmène de l'autre côté, sur le côté ouest, avec Michel Auvray, Nicolas Cassagno, et puis je reviens sous le chapiteau méridional avec André Ballot et Christophe, on entend Christophe Philippe, qu'on réentendra après, et puis Claude-Gabriel Gillot, voilà. Ce sont donc la première séquence qui nous emmènera jusque vers 22h15. Cette deuxième séquence sera suivie par les chansons d'Aïssa Teba. Enfin, il y aura quelques chansons de Marin aussi, de Michael et moi-même, et puis pas que de marins, enfin. Bon, et Aïssa Teba qui arrive et qui nous raconte aussi son action sur la Mauritanie, qui est venue un petit moment entre deux concerts, un autre qu'elle avait le jour même à jouer aux Arches. Donc on entendra dans la suite. Puis ce sera le tour de Patrick Guillot, que je vais quand même un peu plus présenter tout à l'heure. Et je pense que le son sera adéquat. Bon, voilà. Et une séquence d'une vingtaine de minutes, enregistrée non pas à la fête, mais à l'hôpital de Besançon, où malheureusement notre ami, montant vers la fête, s'est retrouvé après un tonneau vers Lons-le-Saunier. Il venait de Lyon. Alors lui, c'est quand même un auteur tout à fait particulier que vous avez rencontré. Il devait être là. Et il se consacre notamment à la lutte contre les sexismes. Donc vous l'entendrez, celui-ci, je dirais vers 22h45. Si... Et puis après, vous entendrez Michel Génini, à nouveau, qui chantait, y compris quelques-unes de ses chansons. Bon, on n'entendra peut-être pas tout, j'ai pas tout passé là. Puis, nous nous retrouverons avec un autre plasticien qui est Marcel Montémont, le facteur cheval de Remonchan, Manu Grand-Girard avec les ouvrages de la Sésame, Anka Reimann qui faisait peindre Reimann, c'est son ancien nom. Anka, donc, il faisait peindre des cailloux, c'est joli. Hein. Et Christophe Philippe, dont j'ai parlé, qui présentait sa poésie et ses peintures. Puis, enfin, Segundino. Voilà, donc, tout cela, c'est à partir Marcel, etc. C'est à partir de. Bon, on va dire de 23h20, 30. Et puis, on finira par une séquence à nouveau où on aura beaucoup Michael, et aussi des présentations, ce sera un retour de présentation globale des exposants qui nous permettra de faire un point sur la fête, et on reterminera aussi par des chansons de Michael. Eh bien, bonne soirée à vous. Et bonne écoute sur Radio Gémozo. Nous sommes immortels, je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Mortels, nous sommes immortels, je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortel. Merci. Oui, nous sommes immortels par l'art, par la littérature, par la poésie, par le ballon. Et merci, Michael. Et donc, bienvenue à tout le monde pour ce village des auteurs et des artistes dans l'extrémité sud du ballon d'Alsace, dans la fête du ballon qui reprend, et on se retrouve. Alors, quelques chansons tout du long, on aura Michael, on aura peut-être d'autres personnes, je vois Michel qui est là, par là, Aïssaté viendra nous faire un tour aussi, sans doute, et dans la journée, c'est une journée qui va jusqu'à ce soir, avec le beau temps. Ma foi, tant mieux pour l'instant. Les corps de la vallée de la Ture sont là-bas, on les entend. C'est aussi d'excellents artistes. Et voilà, donc ici, nous avons Michael qui chante. Alors, je vais quand même vous présenter les organisations qui font ça, c'est l'Union des écrivains vosgiens, qui bien sûr accueille tous les écrivains et éditeurs. Nous avons plusieurs éditeurs là, et des auteurs bien sûr. Et Recréer, Vivre Créer à la Montagne, qui est l'association d'animation notamment des Vosges du Sud au ballon, et qui à édifier la superbe chavande. C'est Pascal qui est là, là, avec son chapeau, qui l'a conçu. Une chavande à l'ancienne, avec les troncs, les perches en faisceau, non pas en raison du symbole, pas du tout, au contraire, mais des faisceaux de, comme on les faisait autrefois dans les Vosges, où on faisait les chavandes à l'ancienne, on clouait pas, puisque les faquels ou chavandes sont constitués par des troncs, des perches que l'on cloue horizontalement. Et là, c'est vertical, avec un symbole, quand même, je vous le dis quand même, c'est la couronne du soleil qui est là-haut. Pourquoi ? Parce que Ballon, selon les historiens, certains historiens en tout cas, Ballon, c'est Bélénos, Bélène, Ballon, le soleil, Apollon. C'est une version de Apollon. Voilà. Donc c'est pourquoi on fait nos feux depuis 1992, et cette année on n'a pas pu, pour l'instant, à part deux fois, on devait les faire le 19, avant la fête du Ballon, on devait les faire le 16 juillet, on n'a pas pu, raison préfectorale, essentiellement, et ça nous remet en 2003, où on avait aussi notre chavande qui a brûlé en plein hiver, à la Noël. Enfin, à la Noël, avant la Noël, en décembre, dans la neige. C'est peut-être ce qui va arriver, d'ailleurs, à moins qu'on réussisse à faire l'équinoxe dans un mois. Mais bon, c'est pas sûr, et les conditions restent précaires. Vous savez que ça a beaucoup brûlé dans la vallée plus proche, au Ménil, la semaine dernière. Et voilà, bien que le climat soit plus serein maintenant, plus humide, mais bon, voilà. Donc, Michael qui est là, puis moi parfois, et puis je donnerai des explications tout du long. Bienvenue. It's not time to make a change, just relax, take it easy, I'm still young, that's a fall. There's so much you are to know. Find a girl and settle down. If you have one, you can marry. Look at me, I am home, but I'm happy. I was once like you, I know. And I know that it's not easy to be kind. Something's going on. But take your time and think alone. Think of everything you know. For you need to be here to know that you're trying to know. And I can't. Oh, I can try to explain. When I do return the way again, it's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was old enough to listen. There's a way, and I know that I have to go away. I have to go. Allez, solo d'harmonica. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. time ago, you said I'll die. If you want, you can marry with that me. I am home, but I'm happy. All the time that I cry, keeping all the thing I knew inside. It is hard, but it's harder to ignore it. If they're right, I'd agree. But it's when they know not me, there's a way. And I know that I have to go away. I know I have to go. Merci. De ton visage à mon village, il y a cette rivière qui coule toute l'année. Entre tes yeux et les miens qui pleurent, il y a ce fleuve qui s'amuse à nous séparer. Fais un pont pour le bon, lui donner ton prénom. Le traverser pour t'embrasser, faire un pont pour le bon. J'ai essayé de naviguer vers d'autres cœurs, mais le tien chante si fort entre nous deux. Et le monde entier, il n'y a qu'une rivière pour nous séparer. Faire un pont pour le bon, lui donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser. Faire un pont de bon. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Light is over, older on the trees, younger on the mountain, drawing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Monday no more. Take me home, country road. All my memories get around the stranger to blue water, dark and dusty, painting on the sky, misty taste of moonshine, teardrops in my eyes. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country road. I hear a voice in the mountains, oh, she called me. The radio remind me of my home far away. And driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country road. country roads. Merci. Jean-Louis, Hans, donc c'est un abord, je l'ai dit 10 fois, mais tes impressions, édition Gérard Louis. Alors moi je suis là comme pratiquement tous les ans. Oui. C'est incontournable d'être au Ballon d'Alsace pour un auteur qui s'intéresse à la nature, parce que avant d'être un auteur, je suis un naturaliste de terrain. Oui. Je travaille sur des programmes de protection d'espèces menacées et de milieux menacés. Et l'écriture pour moi, c'est une façon d'extérioriser un petit peu mes inquiétudes, étant donné ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur cette planète, et y compris chez nous dans les Vosges. Nous ne sommes pas épargnés. Voilà, tout le monde a vu la sécheresse, tout le monde a vu les rivières totalement asséchées, mais il n'y a pas que ça, il y a tout. Les forêts vont mal, beaucoup d'espèces d'oiseaux sont en train de se raréfier, voire même sont au bord de l'extinction. C'est pareil pour les insectes, c'est pareil pour les batraciens, etc. Donc il est temps de se réveiller. C'est la raison, et c'est l'unique raison pour laquelle j'écris. Je ne serais jamais devenu un auteur si je n'étais pas plus que sensibilisé, mais même alerté, épouvanté par l'effondrement de la biodiversité sauvage partout, y compris chez nous dans les Vosges, en Lorraine. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'écris. Donc je présente toujours mes deux derniers romans, Chimère d'automne et Le Rein du Diable. Et là, j'en ai écrit un autre qui est chez moi, mais pour l'instant, il n'est pas encore saisi sur ordinateur. Voilà, donc les gens peuvent venir me rencontrer. Et s'ils veulent me poser des questions concernant les espèces qu'on ne voit plus, ou les nouvelles espèces qui apparaissent, comment on peut préserver tel ou tel milieu, tel ou tel oiseau, etc., je suis à leur disposition. Je ne suis pas là uniquement pour dédicacer mes ouvrages, je suis là également pour apporter des informations sur notre montagne, qui est encore belle, mais dont il faut vraiment se préoccuper maintenant. Et là, aujourd'hui, pour cette reprise de la fête du ballon, ton sentiment ? Mon sentiment, il est... agréablement surpris parce que, déjà, il fait beau. Il y a de l'affluence, il y a quand même du monde. Hein. Oui. Moi, j'ai eu des contacts intéressants, donc j'ai beaucoup discuté. C'est toujours agréable, on est en plein air, tout va bien, il ne fait pas trop chaud. Je suis plutôt content d'être là avec Vincent. Avec toi, Jean-Louis. Et à la prochaine. Hein. Ouais. Merci, plus, Vincent. Hein, merci. Ah, Edwige, donc, pour le retour au ballon, après des années. Hein. Oui. Ah, puis on s'était vu au TIO, les 2 années d'avant. Alors, les impressions sur cette fête du ballon, Edwige. Les mandalas, je précise, c'est les mandalas, 90. Oui, c'est très agréable parce qu'il y a quand même du monde. Il y a du monde de toutes les vallées, si je puis dire. Oui, c'est ça. Donc, moi, je rencontre autant d'anciennes connaissances que des gens du territoire, Alsace aussi, et Haute-Saône. Ouais. Ça circule, hein, c'est très sympa. Et puis, toujours pareil, à expliquer ce qu'est un mandala par rapport à un autre dessin, les bienfaits du mandala et des créations personnelles au compas, la règle à main levée, imprimées localement. Oui, donc une bonne affluence, un bon contact aujourd'hui. Oui. Et puis les gens sont sympas, le lieu est sympa, on est dans la nature, que demander de mieux. Le temps est sec et du soleil. Bien. Contrairement au TIO, la dernière fois, ça avait été un petit peu échaudé. Il n'y avait plus, non ? Oui, puis alors vous étiez au bout de la... Oui, il y a quand même eu du monde. Voilà, oui, non, ça allait. Il n'avait plus. C'est vrai qu'il y a des gens que j'ai croisés après qui m'ont dit « Ah, t'étais là ?» Je dis « Oui, tout au bout. » C'est ça. Ah, je crois qu'on a fait demi-tour avant. Oui, c'est dommage. Mais voilà, oui. On a à peu près tout le monde qui descend bien. Fête. Ils viennent jusqu'ici. Oui, parce que c'est assez ouvert et les derniers stands sont assez proches quand même. Voilà. Après, les gens se baladent. Et puis, il y a de la musique, là. Il y a des belles chansons. Il y a les gens... se balade quand même, ose venir un peu partout, c'est bien. Bien, très bien. Merci à tout le monde. Merci à vous. À la prochaine. Avec plaisir. Marjolaine, pour la radio, alors c'est pas dans la fête, ça passe pas, on n'a pas pu passer dans toute la fête, mais pour la première fois que vous venez à Marjolaine Pochet, édition de la Goutte d'Étoile, vos impressions et vos productions. Ah ben, mes impressions, elles sont bonnes. Il y a plein de monde. Il fait beau. Enfin, de temps en temps, le soleil est caché, mais globalement, il fait beau. Et puis mes livres, y en a pour tous les goûts. Il y a des romans, il y a des recueils de nouvelles, des recueils de poésie, il y a des contes pour enfants. Il y en a pour tous les goûts. Ah bah, c'est intéressant parce qu'à l'Union des écrivains vosgiens, on est pas mal de gens qui cherchent à se faire éditer. Moi-même d'ailleurs, j'y avais pensé, à vous. Mais donc, vous avez combien de... Quelle surface d'édition vous avez ? Surface ? Oui, surface de nombre de productions. J'ai sorti 18 livres. Pour l'instant, le dernier est sorti le 3 août, il n'y a pas longtemps. C'est un conte pour enfants. L'histoire d'un petit garçon qui adore la chasse aux papillons et qui va rencontrer une gardienne de la nature qui va lui apprendre à respecter la nature. Donc c'est un très joli conte dont malheureusement l'auteur est décédé début juin. Donc l'illustratrice et moi allons le porter toutes les deux. Aïe, aïe, aïe. Et vous-même, vous êtes auteur ? Autrice. Autrice, ça veut dire autrice. Excusez-moi. Hein. Bucéphale, oui, autrice. Bucéphale et Alexandre, c'est mythologique ? Non. Alors déjà c'est un roman jeunesse, mais la moitié de mes lecteurs sur ce livre sont des adultes. Effectivement, les noms font référence à Alexandre le Grand et à son cheval Bucéphale. Oui, tous les personnages du livre ont des noms de personnages ayant réellement existé, mais l'histoire elle-même est purement fictive. Ça se passe aujourd'hui et c'est un roman anti-corrida. C'est l'histoire d'un jeune garçon, d'un taureau et d'un chien. Ça se passe dans le sud de la France. Ah, le taureau malheureusement est destiné à mourir dans une arène et donc le garçon et le chien vont tout faire pour lui sauver la vie. Et alors vous avez des auteurs qui vous éditez, vous êtes à Urbache, c'est ça ? Plus maintenant je suis à Tintru, à côté de Saint-Dié. Ah d'accord, oui, plus vous rapprochez du centre, si je peux dire. Mais je ne savais pas, j'étais encore à Urbache, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs partout. Et donc vous éditez des auteurs qui viennent à vous, c'est des auteurs de la région ? Pas que, j'ai une autrice de Strasbourg, c'est la plus proche. Oui, c'est quand même Voilà, mes auteurs sont aux quatre coins de la France. J'édite pas en fonction de la localisation de l'auteur, mais de la qualité du manuscrit. Par exemple, Hélène Chambaud, que je vois, c'est... Alors, elle est à côté d'Angoulême. Ah, c'est une autrice de nouvelles. D'accord. Donc, pour vous joindre, c'est sur le site de la maison d'édition, c'est le plus simple. Donc, édition au singulier, goutte-étoile.fr, donc tout au singulier. Et là, vous savez qu'on avait fait une réunion, vous n'avez pas pu venir sur l'édition, vous êtes à l'édition, et l'auto-édition, parce qu'on a pas mal d'auteurs auto-édités, même ici. Mais vous, on peut s'adresser à vous, plusieurs seraient intéressés. Alors, oui et non. Depuis début 2022, je ne prends plus de manuscrits, c'est provisoire. Ah bon ? Mais j'en ai reçu tellement en 2021 que j'ai toujours pas fini de lire les manuscrits que j'ai reçus en 2021. Donc c'est marqué en gras, en rouge sur le site que actuellement je ne prends plus de manuscrits. D'accord. Donc le temps d'absorber tout ce que j'ai reçu en 2021. Évidemment. Après évidemment j'en reprendrai. Mais pour l'instant ce n'est plus la peine de m'en envoyer et j'insiste parce que j'en reçois encore. Ah bah alors que c'est marqué en gras, en rouge sur le site que je n'en prends plus pour l'instant. D'accord. J'en reçois encore toutes les semaines. On le dira alors. Mais donc, parce que vous êtes évidemment lectrice, vous n'avez pas d'autres lecteurs que vous-même. Si, quand même. Ah bon ? Si. Pour la sélection. Pour la sélection, ça dépend. J'ai eu à un moment, au début de l'année, une lectrice qui m'a aidée à lire les manuscrits. Malheureusement, elle n'a pas pu continuer. D'accord. Donc maintenant, je suis de nouveau seule pour lire les manuscrits. Parfois, il m'arrive de demander de l'aide à des amis. Oui, forcément. Voilà. Mais je suis seule. Quand a commencé cette maison d'édition ? Alors, j'ai commencé en 2015 en m'auto-éditant. Donc j'ai commencé par mon recueil de poésie Un art de vivre. Et puis j'ai tellement aimé le contact avec les lecteurs. J'avais déjà la passion de l'écriture. Mais là, le contact avec les lecteurs, ça m'a convaincue qu'il fallait que je fasse tout ce que je pouvais pour en vivre. Et du coup, je me suis dit qu'une des... je me suis dit qu'une des façons d'en vivre, c'était d'augmenter mon nombre de titres. Et donc pour ça, je suis devenue éditrice à part entière. Et ça marche, c'est viable? J'en vis pas encore, mais j'y travaille, ça se développe. C'est bien. J'en vivrais peut-être aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le Covid. Il est arrivé, la maison d'édition était en, c'est ça, en mauvais moment, la maison d'édition était en plein démarrage, ça a démarré du tonnerre. Et vraiment, ça a fait dégringoler. Et heureusement que mon conjoint était là pour me soutenir. Mais du coup, j'en vis pas encore, malheureusement. Mais je travaille. Le ballon, c'est intéressant quand même. Pour vous, c'est... Bah, vous avez bien fait de venir. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, Marjolaine. Au revoir. Noëlla et son beau chapeau, et son compagnon, voilà, que je salue. Donc je me demandais si c'était un nouvel écrivain hier. J'ai dit, je le connais, ce monsieur, mais je ne me rappelais plus. J'ai dit, pourvu que je n'ai pas oublié un écrivain qui m'aurait envoyé ses coordonnées. Bah, en tout cas, voilà, c'est très bien. Noëlla... Alors, j'ai défini tout à l'heure comme des romans de Lorraine, de terroir, d'eau, de canaux, de, c'est ça. C'est tout à fait. C'est juste quand même. Oui, bon, tout alors, à fait ça. On s'était vu au Tio. Oui. Au Tio, ça n'avait pas trop bien fini. Je sais, il y avait le problème de Oui, de la flotte, météo. Oui. Mais ça avait été bien quand même au Tio. Oui, très bien. Sinon, c'était bien démarré. Parce que, oui. En ce moment, au Tio, moi, je le dis en même temps que j'interview, ça c'est pour Radio Guémozo, mais... on se demande si on va continuer la formule des auteurs et pas dans la foire au beignet ou pas. Bah, c'est-à-dire, j'ai eu des réflexions au passage, des lectrices qui me disaient « c'est dommage que vous soyez séparés les uns des autres ». C'est ce que disent certains, mais en même temps, c'est la formule de l'organisateur qui n'était pas moi. Bon, là, vous êtes quand même regroupés au ballon, c'est bien. Très bien. Ça fait la troisième fois que... Oui, c'est très, très bien. Quand tu viens au ballon. Oui. Et là, donc, les impressions, les nouveaux romans, tout ça, allez... C'est très bien, le public est très intéressé par les ouvrages, il y a du monde, c'est parfait, la météo est bonne, on est très très bien. Et le nouveau titre alors? Le nouveau titre, Les forces du destin, comme son nom l'indique, plaît beaucoup aussi aux lectrices. Alors il s'agit de quoi alors? Pourquoi les lectrices plutôt? Alors les lectrices sont intéressées par ce titre parce qu'en fait c'est une jeune fille. Qui se bat pour arriver à monter à ce qu'elle désire dans la société, disons, pour avoir le poste qu'elle convoite. Ah, d'accord. Avec plusieurs difficultés qu'elle arrive à surmonter. Ah oui, fort. Et ça se passe où, ça? En Lorraine, toujours. Ah, toujours en Lorraine, c'est toujours la Lorraine, voilà. Oui, oui. Fin des années 50. Oui, voilà, c'est ça. Et pourquoi dans les années 50, alors? Ah, bon, c'est tombé comme ça, finalement. Je m'oriente souvent dans ces années-là, l'année un peu de ma naissance, en fait. Ah, ouais. Donc, j'aime bien replonger dans ces années. Une petite rétrospective, voilà, un côté rétro, semi-rétro. Voilà, parce c'est ça. Parce qu'on est encore jeune, hein. Moi, c'est les années 40. C'est-à-dire... Oui. Ben, bravo. Alors, les titres sont Les Héritiers, Mystère à bord. Mystère à bord, c'est... Ça se passe à Venise, non, on dirait sur un canal. Il va voyager à Venise, mais je ne peux pas dévoiler l'histoire, il y a des mystères. Et le temps des moissons, c'est plutôt... Excellent. Il y a un monsieur qui vient d'avoir un coup de foudre pour le temps des moissons. Il a lu la quatrième de couverture et il l'a prouvé à 100%. Il a dit « je le veux ». Un coup de foudre. Et ça se passe à Varangéville. Ça se passe en Lorraine, oui. En Lorraine, oui. Au temps des moissons, quoi. Oui, voilà, les c'est tourbillons. Ça. Ben, bravo, ben. Oui. Bonne continuation et à la prochaine, Noëlla. Merci, avec grand plaisir. Alain Bérard sans sa pipe. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dis de cette édition du ballon où tu reviens depuis des années et des années? Bah, je reviens depuis des années et des années. Aujourd'hui, je trouve qu'il fait pas très chaud, c'est tout. Ah, bah ça, tant mieux, dans un sens. Et qu'on n'a pas le lourd de monde. Ouais, alors, bah, c'est pas trop de monde aujourd'hui, alors? Oh non, pas des masses. Ah bon? Et quels sont tes deux derniers... Mon dernier livre, ben, c'est celui-ci, Le mystère de la pierre percée. Voilà. On raconte un peu. Oh, alors là, pour raconter ça... Non, mais si tu... C'est l'histoire d'un archéologue, de toute façon, qui est tombé sur un médaillon dans une dolia celte, et ce médaillon lui pose une énigme. Il faut trouver la pierre trouée. Ah oui. Alors il commence déjà pour qu'il fait des fouilles au château de Pierre Percée. Oui, Pierre. Mais là, ça va l'envoyer dans une autre direction. Ah d'accord. parce qu'il va être obligé, en fait ça va l'envoyer dans une direction, il va se retrouver avec une autre énigme qui n'a rien à voir avec la première, n'est-ce pas, et qui finalement va finir par se rejoindre. Et quand je te l'ai fini comme héroïque fantasy, c'est juste? Non, Gienne, c'est non. Pas de l'héroïque fantasy, ça ah. Pas du tout. Non, alors que ça, c'en est. Ah, la feuillade. La feuillade de Valentine. Ah bon. C'est ça, un anneau magique. Voilà. Et puis j'ai fait celui-là aussi avant. Ah oui, bah, je sais que tu en fais plusieurs parents. Ah, l'histoire de Le Chat des Étoiles. Ah oui. Alors ça, c'est un roman que j'ai fait pour les enfants, qu'en réalité, c'est toutes les grandes personnes qui le lisent. Parce que c'est un roman que quand on commence à le lire, on a le grand zygomatique qui part en éclat. Ah oui, d'accord. Voilà, il est fait pour rire, il n'est pas sérieux du tout, c'est pour rire. Bien, bien, bien. En tout cas, voilà, on ne s'était pas vu. Après le Tio, tu avais été satisfait du Tio ou pas? C'est-à-dire qu'il y avait un truc, c'était qu'on était un peu trop dispersés. C'est ce que disent tous les auteurs. Voilà, trop dispersés, voilà. Bon, ça marchait plus ou moins, on a été un peu interrompu par le roche, tout ça, je dis bien que voilà quoi. Hein? Mais bon. Bon, c'est pas marqué d'une pierre blanche. Non, mais c'est pour ça, on ne sait pas si on va le refaire comme ça, voilà. Non, il vaudrait mieux faire comme on avait fait là. Oui, mais ça, c'est pas moi, ça ne dépend pas de moi. Ouais. C'est la foire au beignet. Ouais. Et l'année d'avant, c'est parce qu'il n'y avait pas eu de foire au beignet. La foire d'avant, c'était bien parce qu'on était tous groupés. Oui, oui, hein? Mais comme ici, hein, finalement. Oui. Bon, ici, on est un peu moins nombreux, mais bon, voilà. Oui. Bon, alors, ma foi, quand même, demi-satisfait. Oui, bon, ça va, moi, tu sais, je suis jamais mécontent. Oui, hein. Oui, voilà. Je m'en fous. Mais... Merci, Alain. Là, je t'en prie. Lydie, pour Lison, qui n'est pas là, c'est manga. Alors, ah oui, elle fait des belles choses, Lison. Ah oui, et puis, qu'est-ce que ça donne? Bonjour, Bastien. Bonjour, Vincent. Bonjour. Qu'est-ce que ça donne? C'est le contact public, comment? Oui, oui, bah, les gens, ils connaissent, hein, les mangas, hein. Il y a beaucoup qui connaissent, qui sont intéressés, qui regardent, qui posent des questions, si c'est nous qui avons dessiné ou pas. Ils en font un peu, non, les gens? Non, je ne fais pas dessiner. Non, je ne fais pas dessiner. Moi, je n'ai pas la technique, je ne sais pas dessiner. Oui, les mangas, c'est plus... C'est Lison qui l'aurait fait. Voilà, elle aurait fait si elle était Rosie, là. Ouais. Rosie, non, elle ne fait pas dessiner. Non. Non, elle a juste fait des petits bracelets avec des prénoms. Ah, mais c'est joli, hein. Et moi, voilà. C'est des dessins kawaii. Là, tu fais des dessins, toi, Bastien? Ah bah c'est un kawaii qui dit. C'est un kawaii, c'est autre chose. Voilà. Ah, voilà. Quand on sera là, ça sera 100 fois mieux. Pour expliquer et puis pour dessiner. Alors, sur place. Pour Lison, je signale éventuellement, ça j'enregistre en même temps, peut-être le forum des associations au Tio. Oui. À quelle date? Le 3 septembre. 3 septembre. Oui. Et puis il y en a un autre à Saint-Maurice, le 17 en principe, je ne suis pas sûr. Le 3, je suis sûr. Par contre, les marchés artisanaux à Bussan s'arrête mardi. Mardi. Et c'est d'accord. Dernier. Alors, donc c'est trop tard. Mais après, le forum dans le stand de Recré, si elle veut. D'accord. Le 3. Le 3 septembre, normalement, c'est bon. Voilà. Eh bien, bonne journée. Salut, merci, Vincent. Lydie. Merci, Lydie. Tu es contente, on joue à Rosie, qui est là. Merci. Tu es contente, Rosie, d'avoir représenté ta sœur? Ouais, ouais. Et toi, tu fais quoi de beau? Toi, tu es un artiste aussi. Ouais, entre guillemets. Hein. Si, tu fais un petit peu, elle reste modèle. Tu fais des bracelets, petits, là. Ouais, ces petits bracelets avec des prénoms. Et vous les vendez un peu? On a vendu un petit peu, oui, voilà. Il y a un contact avec les enfants ici, surtout? Oui, un petit peu. Ou avec les adultes? Les deux. Les deux. C'est pour Radio Gémozo. Voilà. Merci, Vincent. Je voulais être Yann. Dis-moi tout. J'étais défini surtout pour la guerre de 14, mais c'est quand même pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. Non, il n'y a pas que la guerre de 14 chez Edisto. L'Edisto est une maison d'édition qui traite de l'histoire des conflits, de la Révolution à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, mon cœur d'intérêt, en effet, est celui d'être spécialiste du témoignage combattant de la Première Guerre mondiale. Mais, en effet, que ce soit dans les Vosges ou au niveau national, l'étude des conflits est la marque de fabrique et l'ADN d'Edisto. Alors là, nous sommes pour Radio Gémozo, puisque je voulais faire un public, mais je n'ai pas pu le faire. Question technique. Bon, donc c'est quand même pour la radio. Et c'est impressionnant le nombre d'ouvrages. Et encore, tu n'as pas pu les étaler comme tu aurais voulu. Quoi. Oui. Il n'y a que deux tables. Quoi. Ce qui est étonnant, en fait, c'est que même quand on a une niche très restreinte d'édition, moi, c'est l'étude des conflits et, comme je l'ai dit, de la Révolution à la Deuxième Guerre mondiale, on s'aperçoit que rien que dans cette niche, par rapport à l'étude d'un tel paradigme, la production est considérable. Et encore, ne publie que les ouvrages 1 sur 10 à peu près qui me sont proposés. Donc voilà, il faut savoir faire des choix, et justement le fait d'être historien, c'est le fait de savoir aussi ce qui manque à la littérature, qu'elle soit testimoniale ou historiographique, et donc combler ces manques-là est l'ADN des distos aussi. C'est un créneau strictement lorrain, vosgien? Non, pas spécifiquement, même si on est tous de quelque part. Donc il y a plus en effet d'ouvrages qui traitent de la guerre dans les Vosges, notamment parce que par ailleurs l'activité d'historien est aussi une activité qui est basée sur cette aire périmétrique. Mais moi je suis éditeur également sur le chemin des dames, et au niveau national ça dépend vraiment des auteurs et des projets qui me sont proposés. Ouais, bien bien. Alors, c'est très impressionnant. Je sais pas, tu as un coup de cœur pour un de tes ouvrages plus particuliers? Il y en a plusieurs, mais par exemple un des derniers publiés, qui est un Nostradamus vosgien, l'ouvrage qui fait découvrir Dominique Aubert. Là, ça procède en effet d'une vraie découverte archivistique qui se révèle être une découverte anthropologique. Donc, quand on arrive à découvrir des personnages qui sortent de nulle part et qui pourtant ont une importance considérable sur le plan de l'histoire vosgienne, oui, là, c'est un vrai coup de cœur. Tu peux en parler un peu plus de ce Nostradamus? On a affaire à un paysan savant qui est né au Ménil et qui habitait à Russe-sur-Moselle, et qui, en 1799, rédige un livre de raison dans lequel on trouve une prophétie perpétuelle. Donc c'est quelque chose qui dépasse ce que Nostradamus et Rabelais avaient fait à l'époque, certes 200 ans auparavant, mais qui démontre en fait un système intellectuel qui est une véritable rareté, quelque chose d'absolument extraordinaire. Je ne l'ai pas lu, il faudra que je le lise d'ailleurs. Et il fait des prophéties un peu comme Nostradamus. En fait, oui, il réalise son ouvrage en expliquant en plus en entête qu'il réalise ça comme s'il l'avait écrit en 1644. Donc c'est très étonnant comme démarche intellectuelle. Mais en fait, donc, il écrit ça comme l'aurait un peu écrit Nostradamus, comme les grands prophètes du 15e siècle l'auraient écrit. Mais lui, il le fait avec la bonne volonté et l'intelligence d'essayer de pouvoir prédire la météo, parce qu'il est cultivateur. Il est agriculteur, et donc c'est en fait finalement pour essayer de prévoir la façon dont il va gérer ses grains à l'avenir qu'il monte ce système prophétique basé sur les connaissances de l'époque, et notamment les connaissances de la cosmologie et des dictons. Et en fait, il fait celle de tout ce qui l'intéresse autour de lui pour essayer de prédire en fait cet avenir qui est celui de son entreprise. Bien, bien, bien. Alors sinon, pour revenir, tu étais au Tillot, ça n'avait pas trop marché, la foire aux beignets. Là, malheureusement, au Tillot, on s'est fait un peu chasser par une météo qui ne nous avait pas aidés. Mais si, on a quand même vu du monde. Il y a quand même du monde, c'est sûr. Tu es favorable à ce principe d'étaler les écrivains dans la fête, ou bien si au contraire de les regrouper? J'ai pas assez de recul pour savoir, et pas assez de pratique de ce type de choses, mais j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux se faire écho entre nous plutôt qu'être disséminé, parce que voilà, on pourrait penser à une dilution plutôt peut-être qu'une catalyse. Donc voilà, à voir. Parce qu'on me demande, l'organisateur qui n'est pas moi là, me demande de l'opinion. Par contre, là je suis organisateur. Ton impression? L'impression, c'est que même si on se trouve sur l'un des sommets des Vosges, on s'aperçoit qu'il y a aussi un sommet de public, parce que il y a énormément de monde, il y a beaucoup de flâneurs, de marcheurs, et en fait, ça démontre aussi l'intérêt de cette science de plein air, de pouvoir faire communiquer les auteurs, les illustrateurs, les artistes, les éditeurs, qui sont aussi une partie de ce monde du livre, avec un public qui, lui, est très très avide de ces sciences de plein air. Écoute, oui, c'est ce que je voulais savoir, parce que moi je suis là-bas et je voulais savoir si c'était bien. Voilà. Manifestement, ça fonctionne. Voilà. Si vous étiez heureux. Ça marche. Et aussi madame. Voilà. Merci. C'est moi qui t'en remercie. Alors Stéphane, président d'ailleurs de la Société Histoire Locale, comme je l'ai dit, nouveau président. Alors je vais te reprendre, Vincent. Oui. Parce que je me reprends aussi moi-même, on ne dit plus Société d'histoire locale de Remiremont et de sa région. Ah non, c'est l'histoire. Le local a disparu. Ah, Yaman. Ah. C'est Société d'histoire de Remiremont et de sa région. Donc c'est plus que. La SH2R. C'est pas que local. C'est pas que local. Alors, même si on s'intéresse au local, mais on. Voilà. Alors, cette vente aujourd'hui, ce ballon aujourd'hui, c'est bien, ça. Ah bah oui, c'est très bien, on a le soleil, on a du monde, il y a une bonne ambiance, voilà. Y a si, du... si je compare au Tio, tu avais été... J'étais en bout de chaîne. Alors là aussi, on est en bout, mais ça fait une boucle ici. Non, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Mais oui, j'étais à une extrémité, donc puis un peu esselé par rapport à... Donc, plus difficile au tuyau, voilà. Ah, oui. Je préfère cette formule au ballon. Ça, c'est... Oui. Voilà. Ça, c'est moi l'organisateur, c'est pour ça que je voulais savoir. Tandis qu'au tuyau, je n'étais pas organisateur. Mais... Bon, on fait ce qu'on peut. Si, sinon, quand je t'ai présenté comme bouquiniste omni-régional, du Grand Est, c'est juste, tu as une proportion d'ouvrages de chaque région locale, plus pour les Vosges quand même. Je suis bouquiniste occasionnel, comme je le dis, bouquiniste amateur. Oui, bon, y a, là-bas, c'est beaucoup de l'histoire... entre guillemets local, donc Remiremont est sa région, donc ça s'étend à l'arrondissement, ça s'étend comme ici on est au ballon, à la Franche-Comté, là, je sais pas si ici j'ai de l'Alsace, puisque du l'Alsace, Fournier, ça c'est le fameux Fournier. Je sais que quand j'ai besoin d'un ouvrage que j'ai perdu ou qu'on m'a pas rendu ou que je veux retrouver, je vais chez Stéphane et Lima. Voilà, souvent, oui. Voilà. Ouais, c'est pas... D'ailleurs, qu'est-ce qui te manquerait, là, Vincent ? Ah, mais je sais pas. Il faut que je cherche un peu. Il manque tellement de choses. Il y en a qui sont mal rangées aussi. Bon, tiens, mais il y en a une, mais elle ne me manque pas, mais je demande... Est-ce que tu as... T'as coupé, là ? Ah non, attends. Oui, alors on va annoncer le programme... Oui, je disais... Je parlais des ouvrages rares, bien sûr, mais annonce, en tant que président... Le programme de la société qui est très riche, une avalanche de... Oui, comme là, j'ai la double casquette, donc je vais annoncer le programme de début septembre de la Société d'Histoire de Remiremont et de sa région. Donc le 2 septembre, on retrouve notre cycle annuel de conférences tous les premiers vendredis du mois à 20h au Centre culturel Gilles Berzog à Remiremont. Oui, donc ça... Avec... Henri Ortolan, qui vient nous parler du général Imbert. Ah oui, le général. Son bouquin qui est sorti. Imbert, oui. Donc, héros de l'Irlande, général Imbert né à Saint-Nabord, au sud de la déchetterie à La Coire. Oui. Donc, Henri Ortolan nous fera une conférence et il sera possible d'acheter son livre à cette occasion. Le lendemain, la Société d'Histoire participe au Forum des associations qui a lieu le samedi 3 septembre au Palais des Congrès à Remiremont. Et dans beaucoup de villes aussi, oui. Je crois que c'est la même date, le 3 septembre. Et le dimanche 4 septembre à 15h, Gilles Grivel, dans le cadre de l'exposition qui a lieu actuellement aux archives municipales de Remiremont sur la communauté juive de Remiremont, nous propose une visite du cimetière juif de Remiremont. Qui est où exactement Dans la continuité, derrière le monument aux morts, il y a un carré juif, il y a un carré musulman. Oui, c'est ça. Donc c'est rendez-vous le dimanche 4 septembre à 15h. Sur le parking du cimetière. Bon. Et en cas de mauvais temps, on se repliera, je pense, aux archives municipales qui nous ouvrira les portes si vraiment il fait trop mauvais. Je vois que tu es un dynamique président, à nouveau, dans la lignée de Jean-Claude Baumgartner et bien sûr de Pierre. De papa, oui. Voilà. Pierre-Élie, inoubliable. Voilà, qui est venu une fois au ballon. Oui, il est venu. Hein, il a commencé, lui qui a commencé à venir comme bouquiniste. J'étais avec, je crois. Il est venu une fois, ça doit être 2015. Ah ben oui, puisqu'il est... Oui. Voilà. D'accord, 2015. Voilà. Ah, et ça ne nous rajeunit pas. Alors, donc, un bon contact avec les gens aussi. Oui, des contacts, très enrichissants, très bien, avec un beau soleil. Merci Vincent. Merci à toi Stéphane. Alors c'est quoi que tu cherches ? Alors Jean-Marc, la pigne, plusieurs années que tu as, deuxième. Non, c'est que la deuxième année au ballon. C'est la deuxième année. Mais on s'est vu au Tio, deux fois. On s'est vu au Tio, on s'est vu donc la première année au ballon, oui. on s'est vu au Val d'Ajol peut-être, non ? Non, oui. À Plombières peut-être. Oui, à Plombières. Moi je te vois souvent, oui. Alors... D'abord, définir tes éditions et tes dernières La Pigne. La Pigne, elle ne change pas. On fait toujours du livre court, du livre pamphlétaire, du livre poétique, politique. de la critique sociale, de l'histoire, essentiellement de l'histoire sur le thème carcéral, donc l'histoire du bagne, des prisons. Et le dernier qu'on a sorti justement s'appelle L'Homme Libre. S'appelle L'Homme Libre, ah, il est là. Ah ben il faudra que. Et voilà. Donc, évoqué Marius Jacob tout à l'heure, mais. Et l'idée du livre, c'est de montrer que l'homme n'est pas brisé après ses 25 ans de bagne, et qu'il écrit encore, qu'il est ultra pertinent, qu'il est pointu politiquement, que son combat a certes changé, c'est plus voler le bourgeois, mais c'est dénoncer l'horreur carcérale. Alors, c'est les manuscrits que tu retrouves comment alors ? Archives privées, archives publiques, c'est des années de recherche, mais bon voilà, c'est passionnant parce que c'est vrai en fait. Il y a pas de c'est pas du roman, c'est de la réalité, et que ce soit une réalité institutionnelle ou celle humaine, celle d'un homme, ça raconte toujours des choses et des vies en fait. Allez. Tu fais aussi des DVD, du musical. Je les ai achetés d'ailleurs précédemment, mais bon. Rural, c'est. Alors, Rural, c'est le dernier album de Eric Mie où la Pigne a contribué au financement de son dernier disque, et c'est un bijou, c'est un disque qui tourne en boucle, ça parle de la Lorraine, ça parle du social de la Lorraine, ça va de Cattenom jusqu'au fin fond des Vosges, et c'est juste beau, c'est du. Alors il dit souvent qu'il s'est inspiré de Neil Young pour faire son disque. Non, c'est du Eric Mie et c'est beau, et c'est chouette. Oui. Et tu fais aussi dans la satire des mœurs, si je peux dire. Non, si tu veux te changer en pomme et si tu veux te changer en gomme, c'est l'anthologie des chansons de Eric Mie. Ah oui. Mais oui, du fait qu'on fasse des livres courts, je ne vais pas dire que ça réduit le champ d'investigation, mais ça nous pousse, ça nous poussait forcément vers l'écriture pamphlétaire qu'on adore, hein, d'où le Maurice Rachus avec sa souscription pour l'édification d'un monument aux policiers inconnus, livre écrit en 1999 et qui n'a pas pris une ride au regard des nombreuses victimes tuées par des assassins assermentés que sont les forces de l'ordre, mais aussi Pierre Louis, auteur de la fin du 19e siècle, auteur sulfureux s'il en est, mais qui est d'une drôlerie et d'une critique qui est impressionnante. Parce que oui, c'est des éditions quand même vaillantes. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Ça fait 11 ans qu'on fait du livre. On en sort un par an, on fait dans la micro-édition, donc les livres on les sort entre 400 et 700 exemplaires. Et on arrive à, et le prochain est déjà en route, ça va s'appeler A Working Class Hero. Entendu les héros de la classe ouvrière. En fait, ce sont les mémoires d'un retraité de l'ouvrier, des industries rouennaises. Et c'est particulièrement parlant et impressionnant. Alors, je ne t'avais pas vu au Tio la dernière fois, je ne t'avais pas revu après. Je savais que c'était ton impression sur le Tio, la Foire au Beignet, la dernière fois. Je trouve ça vachement bien. Sauf la seule critique que je ferai, il fallait le faire, hein, mettre les auteurs dispersés. C'est ce que je pense. Au regard de ce qu'on a vu, les gens s'arrêtent acheter des beignets, mais ils s'arrêtent pas. Il fallait. Moi qui travaille sur les bagnes, j'allais dire concentrer les auteurs, mais. Oui, ça en fera mourir quelques-uns, mais au moins comme ça laissera de la place aux autres. Mais au moins, on sait qu'il y aura un village du livre dans la foire au Tillot. Ouais. Et ici, ça va, comment ton impression aujourd'hui ? Il y a eu du monde, j'aurais aimé qu'ils achètent, j'aurais aimé quoi. Du monde, voilà. Oui. Après, il y a plein de gens qui sont arrêtés, donc ça c'est déjà bien quoi. L'endroit il est beau, il est fantastique, c'est un plaisir. En plus, il pleut pas. Bah ça, ni trop chaud. C'est pas encore les Landes, ni la teste du bûche quoi. Donc tant mieux. C'est ta région d'origine d'ailleurs. Ouais, Pardine. Ouais, Michel Delpech, que j'étais. T'as une parenté, non ? Très lointaine. Ah, quand même. Non, très lointaine. Michel Delpech, ouais. Mmh. Ah, tu vois. Ouais, c'est un nom du sud-ouest. Oui, oui, oui. C'est ces gens où régions où on voit passer les oies sauvages, où, ah, ouais, où les gens ne sont pas gênés de marcher dans la boue. C'est en tant qu'enseignant que tu étais, que tu avais été... Ça, c'est les mystères de l'éducation nationale. C'est-à-dire que quand on vient du Sud-Ouest, c'est une région très demandée. Donc, on sait très bien qu'une fois prof, il faut faire une mutation. Et il fallait demander, comme beaucoup, demander les grandes villes, hein, Versailles, Paris, Lyon. Moi, j'ai fait le choix de prendre une carte de la France et de viser avec des fléchettes. Et c'est tombé sur la Lorraine. Quoi, et voilà, c'est... Ouais, c'est sympa, et j'ai fait demander la Lorraine. Oui, oui, oui, on s'y habitue. Hein, faut aimer les pulls. Quoi, c'est, voilà, mais, bon, après, ils ne mangent pas des chocolatines. Non, c'est des sauvages. Quoi, hein, donc c'est, ils bouffent des schnecks. Voilà. Bon, en tout cas, une bonne journée quand même aujourd'hui. Oui, oui, oui. Non, ouais. C'est, écoute, à la prochaine, Jean-Marc. Merci, Vincent. Bon, René, oui. Venu au ballon, tu n'étais jamais... C'était non, venu... c'est la première fois. Ah, c'est là, oui, c'est ça. La première fois. Tu étais venu au Tio deux fois. Oui. Pas la dernière fois, d'ailleurs, non, la dernière fois, pas pu venir. Et donc, René, moi, je t'ai présenté sur tous les aspects, les Vosges, bien sûr, l'autobiographie comme peintre, mais aussi derrière la toile, c'est ce qui m'a le plus... Parce que je l'avais lu, quand même. C'était ce qui m'a le plus frappé derrière la toile. Oui. Là, c'est pour la durée, bonjour. Hein. Oui, oui. Derrière la toile, c'est le dernier livre paru. On est un peu dans le fantastique, la fiction, vraiment. Et ouais, c'est un livre qui m'a obligé, moi, pour ma part, à étudier beaucoup la biographie de certains peintres du 19e et début 20e, puisqu'ils sont mêlés à l'histoire. Et c'était très intéressant à écrire ça. Je vais faire baisser un peu la seconde, mais bon. Oui, donc, ici, comment ça se passe ici? Ah ben ici, ça se passe très bien. Moi, je découvre. Hein. Enfin, ah ouais. Je découvre pas le lieu, mais je découvre la fête du ballon. Hein. C'est la première fois que je participe et bah, c'est très agréable. Déjà, le lieu, bah, évidemment, on y est bien. Et puis l'organisation, enfin, c'est sympa, c'est bien, il y a du monde. Ouais, y a ça va, on a le soleil. Ouais. Bon, c'est pas mal, hein. Tu vois bien. Donc, et tu es sur ce projet d'écriture? Alors, projet d'écriture, j'ai un projet qui est quasiment bouclé. J'ai un petit problème technique à régler. Ça sera quoi, alors? Ah, c'est plutôt comment dire, un mélange de mes trois passions, l'écriture, la peinture et le théâtre. Eh ben voilà. Voilà, où je mêle avec les photos de peinture, de mes peintures, les textes qui m'ont inspiré pour peindre les toiles. Donc où le texte m'inspire, où la peinture m'inspire pour écrire un texte. Donc voilà, et avec ça, j'y mêlerai un enregistrement sous forme de CD ou je ne sais pas encore. C'est là-dessus que je crois ça. Et en théâtre? En théâtre, ben, on est en plein... un peu en stand-by en ce moment, mais on va reprendre le 16 septembre, d'ailleurs, le 16 et 17 septembre, on va reprendre des représentations de Camille Claudel, ah, oui, au Petit Théâtre du Neupré. Tu as un nouveau Petit Théâtre. Voilà, on a la compagnie Sans Scène qui a maintenant presque 10 ans, et depuis 2 ans, on a aménagé un petit théâtre où on peut recevoir 40 spectateurs, et où on est entièrement libre de y faire ce qu'on veut, quand on veut. C'est bien, c'est bien, c'est... Donc c'est un avantage. Ah ouais. Et bah, je lance l'appel, hein, puisque j'en profite pour l'occasion. On rejoue donc Camille Claudel les 16 et 17 septembre. Camille Claudel de... Sur Camille Claudel, c'est une pièce sur Camille Claudel. Oui. Le passage de sa vie, bien après qu'elle ait rompu avec Rodin, mais avant son internement, c'est-à-dire là où commence sa folie. Est-ce que c'est sa folie? Est-ce que c'est le fait d'être une femme ou à cette époque-là où dans un monde plutôt machiste? Enfin bon, il y a plein de questions qui se posent. Toujours est-il que c'est une pièce avec beaucoup d'émotions. Et les comédiens sont remarquables. Et ouais, je conseille aux gens de venir encore voir. On ne fera plus que 2 représentations. Ah oui. Mais il faut réserver. Ah oui, mais surtout la salle est petite. Ah ben oui, 40 places. Hein. Ouais, donc c'est vite comblé. C'est comme le miroiterie. Ouais. Oui, c'est un peu le genre. Ah ben bravo, en tout cas. Voilà. Et puis on se reverra sur tous les terrains, oui, compris théâtral. Mais avec grand plaisir. Ah ben, ouais. Merci René. Merci. J'ai vendu 6 livres. Ah, tu as vendu 6 livres, c'est bien. Et puis les autres, le toit, je le donne avec. Alors, c'est vraiment les gens. Et puis beaucoup de rencontres de gens qui sont... Michel, oui, oui. On n'a pas dit leur nom. C'est pour la radio, hein, c'est pour Radio Guémozo. Oui, oui, alors, tu es contente de cette journée, alors? Très, très contente. Oui, en plus, on a eu un temps superbe. Ah oui, hein. voilà, avec beaucoup de passages. Et des gens qui étaient fort intéressés, parce que bien sûr au ballon, il y a des gens qui marchent, hein, des randonneurs, c'est vrai. Ou des pèlerins d'ailleurs, et qui ont été très intéressés par la carte, par les explications que j'ai pu donner, les conseils. Oui, évidemment, moi je connais ton livre, on en a parlé, mais bon, justement, il y a pas mal de gens qui ont fait les chemins aussi, que tu as rencontré des gens. Il y en a qui avaient fait le chemin en tant que randonneur. Ah oui. On a pu discuter de la différence entre le randonneur et le pèlerin. Avec l'esprit pèlerin, c'est marcher avec la foi, hein, et avec un objectif au bout qui est soit Saint-Jacques, soit Rome, soit Assise, avec un objectif vers spirituel, quoi. Voilà. Bien, mais c'est parfait. Alors, écoute, cette journée du ballon était radieuse alors, pour toi. Ah oui, radieuse, bon, oui. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont vraiment écouté et avec qui on a pu échanger sur le chemin de Compostelle et même les personnes qui l'avaient faite. Hein, voilà, on a beaucoup échangé. Ben, c'est bien. Super journée pour moi. Merci Vincent. On est amené à de toujours revoir, organiser ça comme il faut. Avec le beau temps, en plus, tu nous avais commandé le beau temps. Ça. Enfin, c'est pas la canicule déjà, non. C'est déjà bien. C'est vrai qu'il faut toujours la petite veste dans les Vosges le matin. Oui. Et heureusement qu'on l'avait ce matin. Oui, en arrivant, oui. Bien. Écoute, à renouveler alors. À renouveler. Merci Vincent, au revoir. Alors, Nicolas Cassagno. T'as le micro là. T'as le micro là. C'est que c'est entre nous. C'est, si, ça passera à la radio. Mmh. Alors, Nicolas, qu'est-ce que tu dis de cette journée? Une très belle journée. Il y a beaucoup plus de monde que la dernière fois, qui remonte à 3 ans, je crois. Oui. Ben, ça reprend, hein, c'est pour ça. Oui. Pas trop chaud, il n'y a pas de pluie. Et donc, du chaland, sympa. Donc, quelques ventes, et puis on discute avec les lecteurs. Quelques lecteurs d'autrefois qui me font des compliments, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc bonne journée. Oui, moi, quand je parle de toi au micro, je dis finalement, tu as plusieurs ans, tu as de l'histoire, tu as des romans et tu as des nouvelles. Oui, le roman d'histoire, en fait, c'est pas un roman d'histoire, c'est le journal de guerre de mon grand-père en 14. Oui, c'est l'histoire quand même. Donc c'est l'histoire, mais c'est pas moi qui l'ai écrit en fait, c'est une réécriture de ses notes. Le reste, c'est plutôt axé sur la psychologie des personnages, donc aussi bien dans un roman d'amour que dans un roman policier ou dans un recueil de nouvelles. Va sortir bientôt un roman sur la problématique des retraites, qui est à l'ordre du jour. Donc ça aurait dû sortir là, puis il y a eu des retards. Qui parle d'un des problèmes des retraites qui sont les arnaques aux retraites. Ah oui, d'accord. Donc ça n'a encore rien à voir avec ce que j'ai écrit jusqu'à présent. Ah oui. Je suis un éclectique. Oui, je vois bien. Du stylo. C'est intéressant d'ailleurs. C'est pour ça que je te range pas dans une. Voilà, inclassable. Sinon sympathique. Voilà, inclassable. On me dit ça depuis la 6e. C'est bien. Avec des vraies pierres. Oui, donc tes projets. D'accord, ben voilà, c'est mon. Tes projets d'écriture. Ah ben donc ce roman sur les retraites qui va sortir ensuite la suite du roman, la suite des mémoires. J'en ai plusieurs dans les cartons, j'ai tout un tas de nouvelles en cours d'écriture. J'ai aussi un roman qui est en cours, j'ai pas encore trouvé le déclic, sur le gigolisme. Donc tout à fait rare à mon avis, comme thème. Je sais que pour les régions, tu n'es pas spécialisé dans l'Est. Non, personnellement les romans régionaux sont trop limitatifs. Moi, je suis un citoyen du monde. Oui, très bien. Donc, allez-y, mesdames, il y en a pour tous les goûts. Je te laisse avec le public, mais pour finir, tu avais été au TIO, donc comment ça s'avait ressenti le TIO? Le TIO, c'était bien aussi, mais on a très mal vendu. On était noyés dans la fête au beignet. Oui, forcément. Bon, ça s'est trouvé comme ça. Puis le temps était mauvais aussi. Et Raon l'étape, ça, on ne s'est pas vu depuis. Festival de la poésie de Raon l'étape, il n'est pas en bonne santé. Je ne sais pas s'il sera reconduit. C'est dommage parce que l'idée est très bonne. Je suis allé à l'AG, mais. Ouais. C'est pas vous vu, qui voilà. Ben non, j'y ai pas, allé, non. C'est un peu original. Oui, ça, moi, ça se cherche. Quoi, ouais. Je tenais le stand, le salon du livre, mais la signalétique n'était pas bonne, à mon avis, mais et toujours, on n'a vu personne. Les années d'avant. Oui, mais je leur ai dit, mais enfin, c'est compliqué, hein, je ne jette pas la pierre. C'est dommage parce que l'idée est très bonne. Parce que rang l'étape, il y aurait des sites, il y a des arcades, il y a des... Oui, mais c'était mal fléché, c'était... Bon, enfin... Enfin bon, c'est difficile. Ils ont le mérite d'essayer. Ils ont le mérite d'essayer, j'espère que ça va continuer. Hein. En tout cas, nous, on continue au ballon et... Ah bah oui, tout ça, voilà. Eh bien, merci d'être venu, Nicolas. Mais c'est moi, Vincent. Bon, André. Oui, c'est moi. Voilà, André. Alors, quoi de... Tes impressions pour la journée? Eh ben, écoute, je sais, c'est ma première année ici. Oui, ce matin, je suis arrivé un petit peu dubitatif, en étant un petit peu loin de tout. Et puis non, les gens se déplacent bien. Volontiers. Il y a même eu beaucoup de monde. Ouais. Non, franchement, j'ai bien travaillé, je suis content. Non, c'est bien. Bon, j'avais demandé au Tio la dernière fois. Oui. Déjà, le temps ne s'y prêtait pas. Hein, au Tio, on était quand même... c'est bien humide, on va dire. Alors ça, c'est pour la radio Guémozo. Oui. Si vous voulez faire une interview générale, la technique ne m'a pas permis. Oui. Donc, mais, ceci étant, donc, ça passera à la radio quand même. Et donc, tes ouvrages, moi je te présente comme à la fois historien et fantastique un petit peu quand même. Oui, déjà je suis plus historien à la base, disons par passion. Et puis dans mes livres, j'adore mettre une petite pointe de fantastique en m'appuyant sur des faits réels et des endroits réels. Donc dans tout ce que j'écris, on peut vérifier sur le terrain ce que j'ai écrit parce que ça correspond. Bon, Michel. Ça correspond à la réalité du terrain, quoi. Alors on continue, donc ça nous sert plutôt médiéval, quoi, toi. Médiéval, bien sûr, sur un livre, j'ai parlé des Templiers, oui. sur l'autre, c'était au temps de l'invasion des Vikings, que c'est sur des grandes périodes en général, comme je m'appuie sur des faits historiques, donc il faut que je les mette en scène aussi, donc je vais des fois très loin pour aller les chercher. Les Vikings pas dans les Vosges, alors. Si, c'est l'invasion. Oui, je parle de l'invasion de Vikings dans les Vosges, où ils voulaient attaquer Metz, mais les Messins se sont défendus. Le cardinal de Metz avait soulevé une armée avec. Mis avec d'autres seigneurs qui l'avaient aidé dans sa quête, quoi. Et dans le dernier, justement, je parle de, pour éviter les inventions vikings, il y a le duc de Lorraine qui avait une fille bâtarde, Gisla de Lorraine, qui l'a mariée avec un viking pour empêcher les invasions de la Lorraine. Donc c'est un mixage d'histoire et d'imaginaire, oui, quand même. Oui, cette Gisla de Lorraine, ainsi que le viking, ils font partie de mon roman en tant qu'acteur indirect. D'accord. Et là, ça c'était les dernières éditions, auto-édition d'ailleurs. Oui, je devrais toujours être auto-édition. Ça marche bien en auto-édition pour toi? Ça marche bien, oui, avec oui. Avec Muriel, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Ça marche dans le sens où si on veut vendre des livres, il faut qu'on se décarcasse, il faut qu'on aille sur le terrain. Si on s'assoit en attendant de vendre, bon, on ne vend rien, quoi. ça demande un investissement total. Oui, c'est sûr. Et donc là, tes projets? Mes projets, j'ai deux livres qui sont en cours, un petit peu à l'arrêt parce que j'ai d'autres travaux en ce moment. Mais il y en a un, c'est la suite de Gisla de Lorraine, qui s'appellera, c'est l'alchimiste de Mirmont. Et l'autre, c'est sur des faits réels pendant la guerre de 40 à 45. C'est tout des faits réels que ma famille a vécu, que je vais mettre en scène dans un livre. Mais ce sera tous des faits réels qui seront... ce sera l'histoire de ma famille, quoi, pendant la guerre. D'accord. Bon, là, je suis un petit peu gêné par la sono qui reprend, mais enfin, ça fait rien, c'est bien enregistré. Voilà, donc tu bosses toujours, quoi, sur... Oui, bon, comme je te disais, j'écris un peu moins en ce moment parce que j'ai des travaux à faire chez ma fille, mais sinon, je suis toujours partant pour écrire. Ça, c'est une passion. Quand on a mis le doigt dans l'engrenage, on va jusqu'au bout. Pourquoi, moi, je te connais depuis peu, et c'est un plaisir de te revoir et que tu continues comme ça, quoi. Oui, merci. Merci, André. Salut, Vincent. Ton torchon, la piste des objets roulants, au verso. Et si on plantait de l'amour dans nos paysages dedans et autour, l'événement de séduire, de faire rêver, de correspondre à vous de jouer. Pensons loin, essayons de traverser les murs. Dans le regard, nous verrons alors un soupçon d'infini notoire. La page peut commencer. Merci. J'avais parlé de poésie déjantée de Christophe et Filmo. J'ai un gars qui était l'oncle de Jean-Marie Taillard, qui m'a donné les légendes de Goumois. Contez les légendes de Goumois, comment il s'appelait? Non, il s'appelait Beurre et France. On trouve des personnages comme le dernier fabricant de mécanismes d'horloge comtoise, la dame dedans, Evelyne Sandoz, qui était là, un peu la responsable, on la retrouve dedans, le sculpteur, Fred Lapouge, vous voyez, tous des gens, les vins de Quetigny. Parce que nous, on est allés une vingtaine d'années à Goumois, régulièrement, quand la pêche, ça valait encore le coup. Ah oui, c'était la mouche là-bas. Plus, oui, on était plus sur le moulin du plein, le village. Oui, oui, je vois. Tu es en train de m'enregistrer là, oui, parce que c'était intéressant. Je voulais faire une interview, mais je trouve que ça porte justement sur tes œuvres. Oui, oui, du chef-d'œuvre. Ne sois pas si timide. Oui, c'est d'œuvre. Voilà. Non, mais continue à parler avec moi, je enregistre, ça m'intéresse pour une radio locale. Non, mais... Parce que je voulais faire une animation, interview que tout le monde aura entendu, mais j'étais trahi par le micro d'ambiance. Alors, Claude Gabriel, maintenant en direct. Alors, cette journée, comment tu la vois? Au ballon. Eh ben, moi, tu sais que j'adore ce coin-là. Ça a été ma jeunesse. Oui. Hein. Le ballon d'Alsace, je me suis éclaté. Là. Alors, j'adore cette manifestation. Il n'y a pas de problème. Hein. Et ce matin, c'était très bon. Mais cet après-midi, il y a eu beaucoup de monde. Mais je pense que les gens étaient là plutôt pour discuter avec nous que pour acheter nos ouvrages. Ah, ça, hein. Pour d'acheter... Oui, c'est mitigé, pourtant j'ai deux nouveaux ouvrages là. Le premier, j'ai pas pu faire la promotion, c'est Tribulation d'un ancien clodo. Hein. Oui. Et puis celui que j'ai sorti en mois de juillet, alors c'est Moi beau gosse. J'ai trouvé le titre en me regardant dans un miroir, oui, tu vois. Bien sûr. Et non, mais c'est des titres qui paraissent un peu légers, mais dedans tu as quand même une profondeur dans le roman. C'est-à-dire que dans Moi beau gosse, par exemple, je me retrouve confronté à la vente Alstom, au scandale de la Rodiaceta, à la vente de l'aéroport de Toulouse. Puisque ce beau gosse-là évolue dans une faune un petit peu supérieure, j'ose pas les qualifier, hein, je voudrais pas, hein, si tu passes ça sur les ondes. Hein. Alors, ce que j'ai fait des recherches là-dessus, mais mes lecteurs, parce que j'ai des lecteurs qui me relisent mes livres, puis qui me donnent leur avis, ils m'ont dit non, tu vas trop loin, parce que l'exécutif est même mis en question dedans, hein. Alors il faut que tu me supprimes ça. Donc il y a eu 10 pages de supprimées, de recherches que j'avais fait dans les journaux de Lyon, enfin, tout partout. Ah ouais, hein. Dommage. Mais dedans, on a quand même ce fond de prise d'intérêt illégale. Parce que là, tu as un éditeur, là. Non, j'ai plus d'éditeur, j'en aurais plus. Ah non, on est deux à s'auto-éditer. Oui. Oui, c'est une association, c'est tout. Hein. Association des... Non, non, là, mon association, c'est autre chose. Ah oui, d'accord. On a fait une épuration, maintenant on n'est plus qu'une centaine, parce qu'on avait 90 auteurs à peu près. Ben, ils étaient là, on ne sait pas pourquoi. On ne les voyait jamais, ils payaient leurs cotisations, certains. Oui. Alors on a fait une épuration, on est une centaine maintenant, et ça marche beaucoup mieux. parce que les gens sont plus impliqués. Avec des salons du livre à Belfort ? Ben oui, j'organise le salon des auteurs, pas le salon du livre. Oui. Il y a le grand salon du livre d'occasion, qui est un des plus grands de l'Est et peut-être de France. Oui, je connais, hein, à l'hôtel Atria. Hein. Oui, je connais ça. Et là, moi, dans le cadre de cette association, j'organise le salon des auteurs régionaux, hein, où on réunit à peu près 65-70 auteurs qui, pendant le dernier week-end du mois, vont présenter leurs ouvrages et vendre leurs ouvrages. C'est quand ça, hein? Les 28 et 29 octobre. Ah oui, il y a de la place encore pour... Oui, j'arriverai toujours à trouver quelques places. Non, parce que je peux diffuser un petit peu. Oui, tu peux. Ah oui. Hein? D'ailleurs, il y en a déjà de votre association, oui, de notre association. J'en fais partie. Tu es de l'UEV maintenant. Mais je vais dire, si tu peux m'envoyer, c'est moi. Je ne l'ai pas fait parvenir. Il me semblait bien. Si, c'est possible. Parce que je l'ai fait parvenir. J'ai Luxeuil et puis Belfort. Oui, d'accord. Mais je vais le regarder. Oui. Et le diffuser. Alors, pour revenir donc à ton œuvre, donc c'est toujours. Tu puises. Je t'ai pris tout à l'heure que tu parlais de légendes locales. Ah oui, mais ça a été. Il y a eu. Comment. Un petit peu en aparté, on peut dire ça, tu vois. Moi, mon inspiration, elle me vient de faits divers réels, mais que j'arrange à ma façon, puisque je suis romancier. Oui, bien sûr. Alors, ça devient des romans, mais dedans, souvent, on trouve des faits divers, comme je te dis, dans Les Beaux Gosses. Je me base sur la vente à la somme, par exemple. Toi, hein, ça fait partie de mon roman, puis je greffe autour une situation qui en découle. Alors ça reste toujours quand même un contexte comtois. Oh ben c'est toujours comtois. Hein. Van Dalstom, c'est de Belfort que je parle. Hein. Écoute, c'est un plaisir de te revoir. Ça fait 3, 4, 5 ans que tu viens. Oui, ça fait bien 5 ans. Parce que la première année, j'étais avec mes coprésidents, qui eux n'ont guère vendu, moi non plus. Mais je me décourage jamais. Je me suis dit, cette fête du ballon, il doit y avoir à faire quelque chose. Et depuis, je ne m'en suis jamais... comment qu'on peut dire, je perds un peu mes paroles le soir. Hein. Moi aussi. Hein. Moi aussi. Je ne m'en suis jamais plaint, quoi. Non, mais c'est bien. Écoute, parfait. Merci, en tout cas, de représenter ainsi le versant sud. Le versant sud, oui. Voilà. Les Vosges du Sud. Les Vosges. À bientôt, Claude Gabriel. Je te remercie, Vincent. Alors, on va aller un peu en Bretagne. Alors là... Je m'y mets aussi. C'est des chansons pour se mettre en train pour l'apéro. Ah oui, c'est... Bon, je lui ai dit ça à Michel Tonnerre. Michel Tonnerre, c'était un garçon qui faisait des sons de marins. En fait, il les inventait, mais c'était vraiment comme si c'était authentique. Bon, j'ai pas mes lunettes, mais c'est vrai. Et donc, je l'ai vu en 2012 à la fête de la morue à Binic. Il chantait devant des foules enthousiastes. Il avait une voix de plus en plus rock à cause de la cigarette et de l'alcool. Et puis il est décédé. Mais c'était un fameux chanteur, Michel Tonnerre. S'il y en a qui connaissent. Alors, des chants de marins, quoi. 15 marins sur le bahut du mort, yo plao, une bouteille de rhum. À boire et le diable avait réglé leur sort, yo plao, une bouteille de rhum. John Lansilver a pris le commandement, et les marins évoquent la guerre. Il tient ses hommes comme il tient le vent, tout le monde a peur de John Lansilver. 15 marins sur le bahut du mort, yo plao, une bouteille de rhum. À boire et le diable avait réglé leur sang, yo plao, une bouteille de rhum. Bill le second, je laisse faire. Non, c'est Bill le second du corsaire, le capitaine vit en colère, est revenu du royaume des morts pour passer la case au trésor. 15 marins sur le bas du mort, yo plao, une bouteille de rhum. À boire et diable avait réglé leur sort, yo plao, une bouteille de rhum. Essaie un peu de le contrecarré, et tu iras où tant d'autres sont allés. Quelques-uns au vergue et quelques-uns par-dessus bord, tout le monde pour nourrir les requins d'abord. 15 marins sur le bahut du mort, yo plaho, une bouteille de rhum, à boire et le diable avait réglé leur sort, yo plaho, une bouteille de rhum. Tous finiront par danser la gym, la corde au cou auquel est pendu. Toi, John Forrest, et toi, John Merrick, si près du chimèque, j'en ai le cou tordu. 15 marins, tu m'as eu du monde, yo plaho, une bouteille de rhum. À boire le diable avait réglé leur sort, yo plaho, une bouteille de rhum. 15 marins, tu m'as eu du monde, yo plaho, une bouteille de rhum. À boire le diable avait réglé leur sort. Yop là-haut, une bouteille de rhum. Merci. À l'âme de Michel Tonnerre, qui vogue sur les flots quelque part en, dans la mer du Nord ou dans l'océan Atlantique au large de la Bretagne. Sacré Michel. Ah, alors oui, bon, alors on va. Comme Aïssat. Je suis content de faire une pause. Voilà, on a une pause pour Michel. Et Aïssat va venir prendre la place avec ses chansons. Aïssat qui nous fait l'honneur, le plaisir d'être là. Et qui sera. Qui est en concert ce soir ailleurs, je ne sais pas où. À Jouy aux Arches. À Jouy aux Arches, ah, mais c'est loin, hein, dans le 57. Donc, on a la joie de l'avoir au ballon pour quelques chansons. Suite à son voyage en Mauritanie, où elle est partie avec un camion plein d'objets, elle a traversé la France, bien sûr, l'Espagne, le Maroc, et arrivée à Fouta, c'est ça, à Nouakchott, voilà, en voiture. Alors, elle a marché la voiture jusqu'au bout. Oui, écoute, franchement, voilà. Un petit camtar, bien comme il faut. Bon, mais écoute, on va te laisser le micro, et tu vas nous en faire quelques-unes. Aïssat, il y a longtemps qu'on la connaît quand même. Puis, tu peux utiliser elle a même. Oui, vas-y, vas-y. Je ne sais pas si elle a des DVD ici, des CD, mais elle c'est une artiste de renommée déjà. Ouais, Michel aussi, mais et ceux qui vont venir. Mais elle déjà, on l'avait accueillie pour la première fois vraiment en 2009 au Festival des Peuples à Busan. Et c'était bon. Théâtre du Peuple, bien sûr, Festival des Peuples, mais c'était à part du théâtre, hein, qui continue, bien sûr. Alors donc, Aïssat, on te laisse la... Mais tu n'as pas la guitare pas branchée ? Ah bon ? Ah bon, elle va brancher la guitare, donc voilà. Aïssat Eba, qui habite un peu partout, hein, Nancy, à Fouta, au Tio, première... oui, voilà. Voilà. Et qui a toujours des chansons de fraternité, d'humanité. Aïssat, à toi. Merci. Oui, je suis une fille du pays, moi aussi. Et je me définis comme étant une peule des Vosges du Sud. Dans ma langue, il existe un mot qui s'appelle le mot paix. Et je fais tout ce que je peux pour trouver la paix à l'intérieur et à l'extérieur. Et si je peux le communiquer, alors je communique. Salam, salam, salam, salam, salam. Jam, tan, Merci. Alors, comme c'est interactif, est-ce que je continue? Encore une? Encore deux. Encore une? Ok. Vous m'entendez bien, ça va? Ok. Alors, on est là aussi pour générer des vibrations positives. Alors, force à toutes les initiatives de bonne volonté. J'apporte mon modeste soutien par cette chanson qui s'appelle « Mieux vaut rire » parce que quand c'est la galère, il faut rigoler. Poches sont vides, on prend bien soin d'éviter le pire. Oh, il ne faudrait pas qu'on nous divise. La terre appartient à tous ceux qui y vivent. Mieux vaut rire que pleurer, mieux vaut rire que pleurer. Ses affaires pour le mieux. Hey, hey, hey, hey. Mieux vaut rire que pleurer, mieux vaut rire que pleurer. Mieux vaut rire que pleurer, mieux vaut rire que pleurer. Chansonnette. Hein? Alors, en français ou en poulard? Oui, c'est interactif. Pose la question. Les deux. T'as entendu mon accent rougien? J'ai dit les deux. Choisis pas, hein? Bon, alors, je vais vous chanter Woy Menio dans ma langue qui est parlée au Fouta Toro et aussi au Tio 8860. Les lignes, porco adivio y mundo. En français? Oh, ce que tu veux, en toutes les langues. En vosgien. Alors je vais tirer sur les voyelles. On va faire une chanson qui s'appelle Monter. Monter les uns contre les autres. Ok? C'est une vieille recette qui fonctionne malheureusement. Et en tant que fille du pays, moi-même, et revendiquant mon amour pour ces montagnes, bien que mes origines viennent du désert, eh ben, j'ai envie de la chanter. On l'appelle. Monter les uns contre les autres. Alors, on y va? Ouais. Merci encore hein, pour l'invite, ça fait plaisir. Merci pour le soutien. VE. VE. Ok, VE. Bravo. Merci à elle. Merci beaucoup. Attends, avant de partir, tu peux nous parler un peu de ton, de tes actions vers Mauritanie récemment, de ton voyage. Oui, alors, on avait un, donc on a une association qui s'appelle Chansons du Monde, chansons au singulier. Et en fait, nous, nos objectifs, c'est de proposer des événements qui mélangent un peu les personnes, les couleurs, les styles, etc. Et dans cet état d'esprit-là, on est aussi dans un mouvement de paix à l'intérieur et à l'extérieur. Et nous qui sommes un petit peu nés, voilà, hein, ça se voit qu'en fait tout de suite je colle pas au tableau un petit peu des Vosges. Donc du coup, ben voilà, hein, on s'articule pour faire des choses. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a quelques années nous avons acquis un petit camion, une ancienne ambulance militaire que nous avons customisée par nos soins avec différents artistes. Et ben, je l'ai ramenée, j'ai fait le Tio Futa tour, on va dire. Donc elle est partie du Tio et elle a traversé, comme il a dit, voilà, plusieurs territoires pour arriver jusque la Mauritanie, Nouakchott, la capitale. Hein. Et parce que vous ne connaissez pas trop la Mauritanie ici, connaissez pas, hein. Connaissez pas la Mauritanie comme moi je connais la... Connaissez pas. Voilà pourquoi on fait ce genre de truc. Parce que il faut savoir que la Mauritanie faisait partie de l'AOF. Vous savez ce que c'est l'AOF ? Afrique occidentale française ? Voilà. Et donc, mes parents qui ne parlent pas très bien le français tel que, hein, tel qu'il est admis sont nés français. Alors, comment on fait maintenant pour nous retrouver, nous ? Comment on fait ? Et sachant que tout ça, c'est qu'une affaire de papier. Ouais. Parce que bah, je vois bien ici, par exemple, je suis ravie d'être ici. Mais vous savez qu'on ne se croise pas, en fait. Tant qu'il n'y a pas des événements comme ça, on ne se croise pas. Et je trouve ça pas normal. C'est pas normal en fait, parce que l'Afrique fricote avec la France depuis des siècles. Donc il faut qu'on se pose des questions quand même. Parce que je pense que c'est important de connaître nos histoires, notre histoire. C'est pas un hasard s'il y a des gens comme moi qui naissent ici. Mais pourquoi en fait, combien de générations on va attendre pour qu'on nous considère en fait comme des personnes à part entière? Combien de temps encore? Sachant qu'on est vraiment pacifiste. Hmm? Voilà, c'est ça le message. Donc c'est pour ça que ce Kamtar-là, il a fait à peu près plus de 6000 km pour rappeler ça. Parce que, de par mon expérience, moi je sais que j'ai le bon passeport, vu que je suis vosgienne. J'ai le bon passeport, pas la bonne couleur, mais j'ai le bon passeport. Et c'est pour ça aussi que j'ai utilisé ce privilège-là pour traverser les pays. Rappeler deux, trois bricoles, parce que ce que je rappelle là, c'est pas non plus un truc de malade. Hein. Je veux dire, tous les sages et tous ceux qui ont un cœur le pratiquent. Mais dans l'époque dans laquelle on est, c'est quand même, il y a urgence quand même. C'est pas normal que, voilà, ici, je vois beaucoup de visages pâles, j'en vois pas beaucoup comme moi. Pas normal. Il y a aussi de la littérature aussi, parce que je vois les écrivains vosgiens. Mais vous savez aussi que la francophonie, c'est très très large. Et je rêverais d'inviter des écrivains africains. J'en connais une tripotée, et je suis sûre que vous auriez plein de choses à vous dire, quoi. Voilà, c'est ça que je déplore, c'est pour ça que j'ai fait entre autres cette action-là. Et bien sûr, quand je dis je ne suis pas seule. Comme on dit chez nous, seul on peut faire des petites choses, mais on ne va pas loin. Donc ce qui m'a permis d'aller jusque là-bas, c'est l'esprit de solidarité, parce que j'ai rencontré sur la route et bien avant des personnes avec un grand cœur, et sans elles, je ne serais jamais arrivée à Ramonchamp. Donc grâce à elles, j'ai pu aller jusqu'à Nouakchott et rappeler deux, trois bricoles. Voilà. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller cliquer sur la toile. C'est bon pour nos affaires. Et puis aussi, ben, saluer aussi les initiatives de Vincent et autres. Parce que je vois chez nous... Oui, ils sont pas assez soutenus, quoi. En plus, je vois des jeunes et tout, là. Vous savez que chez nous, c'est quand même important. Quand on dit les vieux, c'est empreint de beaucoup de respect. Et qu'en réalité, il y a des choses que les vieux, je vois que vous faites, c'est aux jeunes de les faire. Et ça aussi, il faut se remettre un petit peu en question. Hein, parce que dans un pays qui se dit ceci, cela, il faut regarder comment on traite les personnes âgées et comment on traite les gosses. Et là aussi, il y a urgence. Hein. Excusez-moi, je ne voulais pas casser l'ambiance, mais c'est ce que je voulais dire parce que c'est important. Bon appétit. Vous voulez une dernière chanson, histoire de... Oui. Ouais, d'accord. Je vais vous faire une dernière chanson qui s'appelle « Ne me juge pas ». Hein ? Voilà. Mais tout ça, c'est pour la paix, bien sûr. Hein ? On est d'accord ? Merci infiniment. Chanson du monde, chanson au singulier. Hein? Yes. Merci à toi, Issa. Merci. On pense qu'on te reverra notamment le 18 septembre pour l'inauguration de la plaque du tétraèdre, qui est un monument que Frédéric, qui est ici présent, qui d'ailleurs, Frédéric a été pour beaucoup dans la forme actuelle de la fête, en réservant les chapiteaux aux auteurs. Hein, c'était lui, après, il s'en est occupé de la fête pendant plusieurs années. Bon, il est sculpteur lui-même sur bronze, il reviendra peut-être exposé dans le futur. Et avant, c'était plus des auteurs plastiques, et là, c'est devenu des auteurs littéraires, grâce à lui. En même temps, il faudrait qu'on retrouve plus d'auteurs plastiques quand même. Mais ça, c'est l'équilibre. Et en tout cas, lui, tu peux nous en parler une minute. Pardon, oui. Il va parler du tétraèdre qu'il a fait dans la forêt. Ouais, parce qu'en fait, à Issat, il faut qu'elle soit du côté de Metz vers 2h. Ah bon, alors d'accord, on va laisser alors. 2h de l'après-midi. Ah bon, t'auras du mal. Ouais, elle a un avion caché. Bah, merci, hein, Issat. C'est moi. Donc ouais, pour le... Oui, tétraèdre. En fait, je voudrais que tu me dises, c'est quand? C'est le 18 septembre. Là, d'accord, comme ça. Où on espère qu'Issat viendra chanter pour le symbolisme de ce monument que tu as fait il y a 10 ans, et qui n'a pas encore sa plaque, mais qui sera inaugurée le 18 septembre, dans la forêt de Busson, qui représente... Un tétraèdre, et c'est l'atome de carbone, parce que sans le carbone, il n'y a pas de vie. D'où le terme biologique, tout le carbone, quoi, la vie. Voilà. Donc si vous allez dans la forêt entre Busson, Saint-Maurice et... Pas Saint-Maurice, Vintron et Le Ménil, vous trouverez ce monument qui a 3 mètres de haut à peu près, 4 mètres, et qui est un atome de carbone symbolisé. Et c'est le sculpteur Fred Durand qui l'a exécuté, qui l'a réalisé. Et donc Issat viendra à l'inauguration aussi, pour symboliser ce moment. Bon voyage, et on espère que tu n'es pas trop en retard pour la Moselle là-bas, hein. Il y a de la route. Attention au radar aussi quand même. Bien, alors maintenant, une séquence un peu particulière, enregistrée pas au ballon, mais à l'hôpital de Besançon, où notre ami Patrick Guillot, qui venait nous voir, qui se réjouissait, en fait je ne l'avais pas vu depuis 25 ans peut-être, et il allait exposer ses livres, et il va nous en parler dans la séquence qui suit, et que j'ai enregistrée à l'hôpital, et qui j'espère a été enregistrée techniquement assez bonne. On va voir, tendez l'oreille, en tout cas le propos est très très heureux, quand même, malgré les malheurs de notre ami Patrick qui se remet quand même. Enfin bon, il a encore quelques jours d'hôpital, et après un tonneau malheureux sur sans doute du verglas d'été vers Lons-le-Saunier. Bien, nous voici ensemble avec Patrick Guillot qui me reçoit dans sa résidence d'été, c'est-à-dire l'hôpital, où malheureusement il a été conduit, venant à notre salon d'altitude, et manque de peau ou glissement, allons le saunier, paf, tonneau. Alors, bon, je vais raconter au public, mais on va te présenter, tu nous as manqué. Voilà, Patrick Guillot. Oui, alors c'est pas très intéressant l'accident. Alors donc moi ce qu'il y a d'important avec moi, c'est mon travail sur les hommes, les femmes et les deux sexismes, hein, ce que j'appelle les deux sexismes, parce que contrairement à une idée reçue, je pense qu'il n'y a pas seulement la misogynie qui existe comme sexisme et qui est très, très connue et qui est très étudiée. Il y a aussi un deuxième sexisme qui est dirigé contre les hommes et qui s'appelle la misandrie, hein, qui est un vieux mot grec, d'origine grecque du moins, et qui signifie qui n'aime pas les hommes, qui a de l'aversion pour les hommes, etc. Alors, j'ai fait beaucoup d'activités, effectivement, en rapport avec la condition masculine et puis aussi la condition féminine, parce que c'est indissociable. Voilà, donc j'ai par exemple J'ai fait un livre qui s'appelle « Quand les hommes parlent ». C'était ton premier, même. Mon premier livre, en 2002, aux éditions Le Souffle d'Or, qu'on peut toujours trouver sur le web. Et il raconte l'histoire, l'aventure de groupes de paroles d'hommes. Donc c'est une initiative qui avait été lancée par un psychologue québécois qui s'appelait Guy Corneau, qui est mort maintenant, et qui avait écrit un livre qui s'appelait « Père manquant, fils manqué ». Et vraiment l'idée, c'était celle de l'importance du père dans la construction de l'enfant. Hein. On insiste beaucoup sur la place de la mère. On dit que l'enfant se construit par rapport à la mère lorsqu'il a une bonne mère, etc. C'est pas faux. Mais il y a quelque chose qui est complètement oublié. C'est l'importance du père et le fait que justement le père, il est là pour donner à l'enfant la possibilité de se détacher de la mère, de se détacher du féminin et de trouver d'autres valeurs. Alors l'idée de ces groupes, c'était de mettre une dizaine d'hommes ensemble dans des soirées où ils se retrouvaient régulièrement et de leur donner la parole dans un état d'esprit qui n'est pas du tout celui dans lequel on éduque les hommes jusqu'ici et peut-être encore maintenant. C'est l'état d'esprit roulage de mécanique, je suis machiste, je suis le plus fort, je retiens mes sentiments, je retiens mes émotions, je dois tout contrôler, je suis dur, je suis fort, etc. Là, il s'agissait de... ou alors parler football, politique, etc., de manière assez superficielle. Là, il s'agissait d'aller dans les sujets fondamentaux, hein, l'amour, l'amitié, l'émotion, les femmes, les enfants, etc., et de dire ce que l'on en sentait, mais il fallait que ça soit authentique. L'idée, c'était l'authenticité. Il fallait que ça soit absolument authentique, que ça parte du cœur, et donc qu'on ne juge pas les gens qui s'exprimaient, même s'ils montraient de la faiblesse, s'ils montraient de la perte de soi, de l'égarement, s'ils se montraient d'une manière qui aurait pu paraître ridicule à d'autres hommes. Voilà, et ça a donné, pendant plusieurs années, il y a eu plusieurs dizaines de groupes, ça a donné, il y en a encore d'ailleurs, ça a donné des échanges absolument extraordinaires parce que ça permettait aux hommes participants de s'exprimer d'une manière dont ils n'avaient pas l'habitude et de parler de choses dont ils n'avaient pas l'habitude de parler et d'en parler sans avoir peur du jugement, sans avoir peur de la honte, sans avoir peur de la moquerie et sans avoir peur de ne pas être conforme au modèle masculin tel qu'on leur avait peut-être enseigné à tort. Oui. Donc tu veux dire que donc les hommes se sentent obligés de jouer les rôles qui finalement les coincent dans une caricature d'eux-mêmes. Oui, c'est une manière d'éduquer les petits garçons qui est caricaturale et qui est un modèle, un conditionnement, mais qui correspond pas forcément à leur réalité. Hein. Par exemple. On dit la sensibilité, ça va être une qualité spécialement féminine. Et en fait, il y a des tas de petits garçons qui ont une grosse sensibilité et qui auraient besoin de la développer, qui auraient besoin de tendresse, de choses douces, mais qui ne les reçoivent pas parce que, en tant que garçons, ils doivent se montrer autrement, ils doivent se montrer forts. Et donc, à l'inverse, le féminisme accuse beaucoup les hommes à l'heure actuelle. Un féminisme de revendication, qui est un revers du patriarcat. Moi, je connais des gens qui luttent pour l'abolition du patriarcat. Donc, on est dans une espèce de double mouvement à l'heure actuelle, dans les deux sens, qui, semble-t-il, n'est pas le but que toi, tu cherches. Oui, absolument. Alors, Moi, je fais bien la différence, la distinction entre le féminisme, qui est un mouvement tout à fait louable, tout à fait compréhensible, parce qu'il y a eu beaucoup de discrimination contre les femmes. Mais justement, ce que je reproche aux féministes, c'est de s'intéresser qu'aux femmes. Parce que il y a aussi des hommes qui sont discriminés, il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences, il y a aussi des hommes qui sont bafoués du fait de leur sexe, et ça, elles le voient pas. Elles le comprennent pas, ou du moins, beaucoup ne le comprennent pas. Et montrent les hommes comme des monstres. Mais montrer les hommes comme des monstres, ça n'est plus du féminisme, c'est de la misandrie. Alors, donc la deuxième étape de mon évolution, ça a été de montrer que dans la société, contrairement à ce qu'on croit, la société n'est pas du tout patriarcale, il y a beaucoup de discrimination qui existe contre les hommes et qui passe quasiment inaperçue. Alors, on peut prendre le problème des paternités imposées, par exemple. Faire un enfant à un homme sans lui demander son avis ou contre son avis, c'est tout à fait possible dans notre société, hein. C'est tout à fait prévu dans la loi. C'est-à-dire qu'une femme qui arrête la contraception, par exemple, sans le dire à son partenaire, et qui se fait faire un enfant par son partenaire alors que ce n'est pas du tout prévu dans leurs accords, cette femme, elle fait cet enfant, elle ne sera pas poursuivie, ça n'est pas un délit, et même cet enfant, elle pourra exiger du père qu'il le reconnaisse, d'une part, et même qu'il participe financièrement à son éducation. Hein, donc c'est une discrimination évidente qui est complètement reconnue par la loi. Il y a une autre discrimination qui est très connue, qui est beaucoup plus connue, c'est celle des pères divorcés qui demandent à élever pour moitié leurs enfants, pour la moitié du temps. En tout cas, leurs enfants en collaboration avec la mère dont ils sont divorcés, qui aurait l'autre moitié, on appelle ça la résidence alternée, et les tribunaux, de fait du modèle masculin dont on parlait, hein, les hommes sont pas faits pour éduquer les enfants, les hommes sont faits pour l'aventure, pour je ne sais quoi, ces hommes sont privés de leurs enfants dans une large majorité, par les tribunaux, uniquement d'un point de vue idéologique, et ça constitue une discrimination massive, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus terrible que de faire des enfants et de pas pouvoir les élever, les voir grandir après. Alors, dans le domaine de la sociologie, de la justice, on trouve d'autres discriminations, par exemple celle des hommes battus. On parle beaucoup des femmes battues, il y a des secrétariats, des ministères qui sont complètement consacrés à ce problème, qui existent d'ailleurs, les femmes battues, c'est un phénomène qui existe, mais ce que on n'arrive pas à faire comprendre dans notre société, c'est qu'il existe l'équivalent, c'est-à-dire les hommes battus, et sur des hommes qui ont, bien sûr, ils restent les plus forts musculairement, c'est pour ça qu'on ne comprend pas bien leurs conditions, mais ce sont des hommes qui sont sous emprise, c'est-à-dire qui ont perdu toute personnalité, toute force par rapport à leur épouse, et qui se laissent dominer par elle, parce qu'il y a autant de femmes qui ont envie de dominer dans le couple que d'hommes qui ont envie de dominer dans le couple. Ouais. Et ces hommes-là vivent un calvaire parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ne correspondent pas au modèle masculin, on ne les croit pas quand ils racontent leurs histoires. Les tribunaux, ils n'osent pas aller en justice parce qu'ils se sentent ridicules. Quand ils vont en justice, souvent les tribunaux accordent plutôt crédit à la version de la mère ou de l'épouse qui se présente comme une victime alors que c'est elle l'agresseuse. Voilà, donc ces hommes, il n'y a pas de campagne de défense des hommes battus dans la société, il n'y a que des campagnes pour les femmes battues, et tous les systèmes sociaux de soutien et de prévention ou de punition de la violence conjugale, tous les systèmes sociaux sont mis au service des femmes battues. Jamais, jamais aucun n'est mis au service des hommes battus. Ça, c'est une grosse discrimination également. Et je pourrais continuer, je peux en citer d'autres. Il y a un problème qui est très d'actualité, c'est celui des fausses accusations d'abus sexuels. Alors ça, c'est quelque chose qui s'est complètement généralisé dans notre société. Alors c'est toujours pareil, il y a des femmes qui sont vraiment agressées sexuellement, qui sont violées, ça on ne peut pas le nier, mais on oublie complètement, on occulte complètement le fait qu'il y a des femmes perverses qui accusent faussement leurs compagnons de violences sexuelles, de viols, d'agressions sexuelles, etc. Et c'est très difficile pour un homme de se défendre contre ce genre d'agression parce qu'il faut qu'il fournisse des preuves et il ne peut pas en fournir. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et la parole qui est privilégiée par la justice, ben, ma foi, comme ailleurs, c'est la parole de l'épouse, de la femme, de la conjointe, de la compagne qui passe pour une victime et qui se fait passer pour une victime. Et il y en a qui connaissent très bien le rôle. Et ce sont les hommes qui finalement sont condamnés. Alors cette action des groupes d'hommes, selon toi, donc, vise à rééquilibrer en quelque sorte l'être humain, la société, dans un sens plus harmonieux. Alors il faut bien distinguer hein, les groupes d'hommes, les groupes de parole d'hommes, c'est des groupes pour faciliter l'expression des hommes, mais ça n'a pas de caractère social. Par contre, nous sommes partisans et nous avons une association, par exemple, il y a plusieurs associations, le groupe d'études sur les sexismes, il y a aussi l'association Stop Hommes Battus. Tout ça, ce sont des associations qui militent pour une égalité des droits entre les hommes et les femmes dans la société. Parce que, contrairement à ce que disent les misandres, les droits ne sont pas égaux dans la société. Les droits, globalement, quand on considère les problèmes, en particulier ceux que j'ai évoqués, on peut dire qu'il y a beaucoup de droits des hommes qui ne sont pas respectés et qui sont détournés au profit des femmes. Et ça, effectivement, il faut se battre pour l'égalité des droits. Les féministes ont raison, mais il faut se battre pour l'égalité des droits des deux sexes, pas d'un seul. Il faut s'occuper des problèmes des... Ça, c'est le béaba de notre doctrine, l'hominisme, qui vient du latin homo hominis, qui signifie humain, et non pas homme. Il faut se battre pour l'égalité des droits des deux sexes et pas d'un seul. Oui. Et ces groupes existent, toi tu es de la région lyonnaise, bien sûr, on les trouve où ces groupes? Parce que dans les Vosges, qu'on a connu du machisme pur et dur, quand même, ça, mais comme ailleurs, mais enfin, c'est sûr, dans la tradition vosgienne, moi j'en connais des cas de femmes vraiment humiliées, hein. Peut-être des hommes aussi, que je ne connais pas, mais on ne trouve pas trop ça dans les Vosges, nous, ces groupes. Ah non, mais ces groupes sont quelque chose de très restreint dans la société parce que il y a un travail culturel qui est à faire pour faire comprendre aux gens que il y a deux sexes et il y a deux sexismes et il y a des victimes et des bourreaux dans les deux sexes. Et ce travail n'est pas fait dans la société, on est loin On est loin du compte. Donc, ces groupes qui militent pour l'égalité des droits sont très minoritaires. Ils sont pas du tout développés et on n'en trouve pas partout. Oui. Là, il y a beaucoup de travail à faire. Oui, donc, et tu as rencontré beaucoup de souffrances dans ton expérience depuis 20 ans, plus que 20 ans même. J'ai trouvé beaucoup de souffrances. J'ai trouvé des hommes faussement accusés de violences sexuelles et qui perdent complètement leur réputation, qui perdent leur travail, qui sont obligés de quitter leur région, qui sont obligés de se cacher, qui finissent leur vie traqués par la honte et par le déshonneur. Ça, c'est une grosse souffrance. J'ai connu des hommes battus qui ont passé des années sous le joug de leur conjointe et qui prenaient des coups et des violences et qui ne savaient pas comment se défendre parce qu'ils avaient perdu toute capacité à se défendre, justement. J'ai connu des pères qui étaient privés de leurs enfants et qui étaient obligés de monter dans des grues. Ça, on se rappelle, ça se passait il y a quelques années. Et ces pères étaient obligés de monter dans des grues pour faire connaître leur cause. J'ai connu beaucoup, effectivement, j'ai connu des pères qui ne voulaient pas être pères, qui n'avaient pas choisi d'être pères et qui devenaient pères malgré eux parce que leur conjointe leur avait imposé un enfant et qui étaient obligés, qui avaient un choix cornélien, c'était soit ne pas reconnaître l'enfant et ne jamais le voir, ce qui est une situation très difficile à vivre, soit accepter d'être père alors qu'il ne voulait pas être père, qui est aussi une situation très difficile à vivre. Ouais. Est-ce que, sur un plan plus global, ces groupes ont des fondements philosophiques, se référant, par exemple, je ne sais pas moi, à un idéal antique ou une harmonie peut-être plus grande aurait existé entre les hommes et les femmes. C'est intéressant de voir les religions de l'Antiquité, par exemple, où il y avait autant de déesses que de dieux, hein, de déesses femmes que de dieux hommes. Ça montre une conception. Justement, on dit souvent que les religions favorisent les hommes et promeuvent les hommes, mais c'est pas forcément vrai. Hein, les religions polythéistes, dans les religions polythéistes, on connaît de grands personnages féminins qui ont été de grandes déesses et reconnues comme telles. Voilà, donc peut-être un remède au mal de la société que d'équilibrer. Oui, alors je recommande le site lacausedeshommes.com, hein, qui est un site qui traite de tous ces problèmes. Je recommande aussi le site ges.fr, qui est le site du groupe d'études sur les sexismes, qui est une association qui lutte pour l'égalité des droits. Et je recommande le site de l'association Stop Hommes Battus, hein, qui lutte pour soutenir les hommes battus. En tout cas, voilà, tu aurais bien rencontré le public au ballon. On espère te voir la prochaine fois. Mais j'espère aussi. Voilà, tu nous as manqué. Merci, Patrick. Merci. Donc, nous voici donc au ballon, à nouveau, avec la tente de musiciens, ou du moins de musique enregistrée, si on n'a pas de musiciens. Michel Génini, il apparaît, il disparaît. Michel Génini, est-il là? Bon, s'il est là, il est là, il fume. Est-ce qu'il veut pousser quelques chansons? Oui, il veut un peu, si. Il est venu. Michel Génini, je vous le présente quand même. Bon, je l'ai connu jeune garçon. À l'époque, dans les années 70, un peu après, quoi. 78. Ah, très bien. il faisait ses propres chansons. Et je dirais que Michel Génini, c'est aussi une des raisons pour laquelle on est au ballon. Hein, c'est pas un hasard. Pour lequel on a fait l'association Recréer, Vivre et Créer à la montagne. Pourquoi ? Parce que Michel, je l'ai connu, il chantait dans ce qu'on appelait les Croix Roses à l'époque, dans les années 70, c'est ça Michel ? Et les Croix Roses, donc c'était des chansons on se regroupait, anciens et jeunes. Et là, à l'époque, on était les jeunes. Bon, maintenant, au moins. Et donc, Michel, il venait, il faisait ses chansons. Il avait du succès, il était l'idole des jeunes. Bon, après, on s'est dit, Michel, il a eu un périple de vie. Bon, il aurait pu être Lavilliers. Bon, il est quand même Michel Génini. Et il faisait ses chansons. Et on s'était dit, quelqu'un comme lui, il faut le sortir de la vallée en bas, là, en bas, dans le trou, et le faire monter sur la montagne. C'est une des raisons pour laquelle on a recréé Vivre et Créer à la montagne. Vivre et Créer, c'est notre association, dont l'emblème est là. Et c'était pour valoriser les créateurs locaux, et comme c'est le cas aujourd'hui, voilà. Alors, Michel, Génini, je ne sais pas ce que tu vas nous chanter, mais entre deux clopes, mais tu vas sûrement nous enchanter. Bon, je ne ferai pas de compo, peut-être une ou deux, mais je vais commencer par une chanson de Maxime Forestier, bien connu. Oui, peut-être qu'on peut. Dans les ombres. Je suis trop près. Oui, je sais pas. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui vivent là. Je débattais. On se retrouve ensemble après des années de route et l'on vient s'asseoir au bout du repas. Tout le monde est là à 5h du soir. En San Francisco, San Bruno, si San Francisco s'allume, San Francisco, où tout liserait-nous. S'il vient, attendez-moi. D'un genre dans le brouillard, enlacé dans l'herbe, on écoutera comme la guitare, fil à la canne, jusqu'à la lune noire. Un autre arrivera. Tous les livres de nos valeurs qui reviendront dans un endroit, puisqu'il est tôt, elle s'endormira. Quand San Francisco se lève, si San Francisco se lève, San Francisco, écoutez-vous, bisous du Dieu. S'il y a, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui vivent là. Je vais la créer. Peuplée de chevelons, de musique peuplée de lumière, elle roule le fond, elle sera vraiment à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco, où tout lise du livre, si vient. Brassens aussi, je sens. Recule pas du micro, Michel. Recule pas du micro. Les gens qui voient de travers pensent que les vents verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité car à la vérité ils sont assez notoires pour accueillir quelque temps les amours des mutants. Les amoureux qui se bêtent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en foutant pas mal de regards obliques. Des passants honnêtes, les amoureux qui se bêtent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en disant des je t'aime pathétiques, on les figure bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur. Que revêtiront les murs de leur chambre couchée. Il se voit déjà doucement, elle cousant, lui fumant dans un bien-être sûr. Et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se décotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en soutenant pas mal du regard oblique. Et passants honnêtes, les amoureux qui se décotent sur les bancs publics. En public, en public, en disant des je t'aime pathétiques, on les figure bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin de ses malappris, elle décoche hardiment des propos venimeux. Non, puisque toute la famille, la père, la mère, la fille, l'esprit de Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pour s'enduire comme eux. Les amoureux qui se décotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en sautant pas mal de regards. Je vais faire un cadeau. Ah, merci. Les passants honnêtes, amoureux qui se décotent sur les bancs publics. Ça va ? Ça sent ? Attends, c'est bien. J'ai un besoin diplomatique de ta présence. Pourquoi ? Écoute, c'est diplomatique, il faut que tu viennes voir ça. Quand les morts ont passé, quand seront apaisés le doux rêve flambant. Bien sûr. Quand le ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'aperceront tes buts soit au hasard des rues sur un de ces fameux bancs. Ils ont vécu les meilleurs morceaux de leur amour. Les amoureux qui se décotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en soutenant pas mal du regard oblique. Des passants honnêtes, les amoureux qui se décotent sur les bancs publics. Bon public, en disant des je t'aime pathétiques, on les petits vieux bien sympathiques. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Merci. Marcel, un petit interview. Marcel, alors, Marcel Montémont, le facteur cheval de Ramonchamp, comme je dis. Alors, cette journée, Marcel. Bah, c'était très bien, comme d'habitude, quoi. Oui. Voilà. Oui. Quand j'ai l'habitude, hein, les gens posent des questions, mais. Oui. Mais je trouve les jeunes, ils ne s'intéressent plus trop à ce qu'on fait. Ça dépend des professions, mais maintenant... Les enfants en bas âge s'intéressent. On a une belle collection d'écritures. Ben on verra ça justement, tout à l'heure, avec Félicie. Enfin, il ne faut pas désespérer, il y a des jeunes que je connais, qui travaillent bien aussi, il ne faut pas mettre tout dans le même panier. Hein. Puis, c'est aux adultes aussi de les diriger. Tes œuvres actuelles, tu en as des nouvelles, tu n'as pas tout monté là. Oui. La Dame de Ramonchamp, c'est une grande sculpture de bon cerisier qui a été rescapé de la guerre 44. Ah oui, tu m'avais dit. On avait 8 cerisiers, ils ont tous été mutilés, ils sont morts. Alors celui-là, il a réchappé Et puis là, fleurit tous les ans, mais il y avait beaucoup d'éclats. J'ai eu des difficultés de faire quelque chose, mais en hommage qu'il avait nourri toute la famille, j'ai dit, je veux pas le brûler, il ne mérite pas ça. Ah. Oui, puis ça, souvenir, quoi, aussi. Donc tu travailles sur cette œuvre, oui. qui aura du mal à être déplacée par contre. On essaiera de la oui, monter. Oui, bon, je sais pas. On essaiera de la monter une autre fois. Faut que je trouve un transporteur. Oui. Comme Bébert est mort, j'avais pu. J'étais pris de court un peu. Alors, j'ai dit, ma femme, elle dit, oh non, tu vas pas monter des engins comme ça, tu n'as plus la force. C'est vrai que quand on prend de l'âge... et sinon, tu exposes où Ben, Ramonchat d'habitude, mais cette année, il n'y a pas d'exposition. Ah oui. Je ne sais pas si c'est à cause du Covid ou... Enfin, ça a chamboulé tout, la maladie, là. Hein. Puis beaucoup sont décédés aussi, les sculpteurs, des... Alors, donc, il faut préparer le ballon 2023, alors. Ah ben, on ne sait pas. Si j'ai la santé, oui. Ouais. On va espérer. On essaiera de monter la dame de Ramonchat, là. Hein? La dame de Ramonchat. Oui, la grosse œuvre. Oui, c'est une grosse œuvre. On essaiera de la monter l'an prochain. Oui. De trouver un moyen. Mm. On la montrer avant, un peu à l'avance. Avant de mourir, elle restera. Ouais. Non, mais avant le ballon, voilà. Non. Oui. Voilà, ben... Merci. Tonton, Marcel, c'est un plaisir, hein. Oui, d'y voir. J'ai une question à lui poser, à tonton. Tu as sculpté dans le cerisier qui est encore vivant, ou tu l'as coupé, tu as sculpté dedans? Non, l'ai coupé. D'accord, tu as fini par le couper quand même. Ben oui, parce que ça séchait, et puis il était dangereux au bord de la route. Ah oui, j'avais d'accord. Peur. Ah oui, ok. Un coup de vent, des fois, on est responsable. Ah ok, d'accord. J'ai donc dit... finalement, cet arbre, il représente... J'ai vu deux... que je pouvais encore faire quelque chose, parce que le cerisier, c'est un bois très dur, et les éclats, les balles, ça ne rouille pas, les éclats de grenade, surtout, qu'il a été... Eh oui. Oui, c'est les tronçonneuses qui ont payé, quoi. Oui. Autrement. Mais... Enfin, toujours la passion, et puis l'imagination ah, oui. te vient comment oui. Bah, oui. Tu vois un bout de bois et t'imagines des choses extraordinaires, quoi. Oui. Tu as un album photo de toutes tes œuvres? Parce qu'il y en a j'en avais pris, oui. Parce que les gens en ont plus que moi. Moi, oui, mais c'est pas de photo. Toute une œuvre, hein. L'œuvre de Marcel Montelon, il faudrait lui consacrer des photos, même une expo photo, ici. Ma gamine Catherine, elle en avait pris, des photos. Et puis des ateliers d'écriture. Des meubles surtout que j'ai fait pour l'Alsace. Elle a beaucoup fait de photos, des noyettes ou des bois précieux. J'ai encore des meubles de télé, des bois précieux. J'ai gardé. J'avais la passion du bois. Il y a longtemps que tu sculptais. Ah ben moi, oui, j'ai sculpté depuis l'âge de 12 ans. Et, ah ouais. Sculptais, mais enfin, je ne suis pas sculpteur. Si, dans l'ébénisterie, il fallait faire les motifs à droite comme à gauche. Mmh. Hein. C'était pas individuel, on faisait les mariages des portes de buffet. Oui. Il fallait. C'était un métier, hein. On apprenait le métier, quoi. Ouais. Oui. Enfin, bravo, en tout cas, c'est toujours un plaisir de t'avoir et de te voir. Moi, je suis bien content. Les gens étaient contents de te voir. Ils sont toujours contents de te voir. De voir tes je discute avec eux. Il y a eu du monde, hein. Oui. Bien. Parfait, Marcel. Oui. À la revoyure. Ben, à Royaume. À la Voyotte. Comme on dit, à Vosgien. Alors, Manu, cette journée au ballon. Ben, une très bonne journée, impeccable, beaucoup de gens, beaucoup de monde qui sont passés. Ambiance très agréable avec l'association Recréer. Oui. Alors, de notre ami Vincent. Est-ce que bon, tu as eu des contacts pour le livre de la Cézanne? Oui, oui, j'ai passé beaucoup de flyers de gens où ils vont aller le chercher au musée, puisqu'il en vente aussi au musée, où ils enverront directement le chèque à Francis Pierre. Oui, oui. Ah, c'est bien, donc ils ont été intéressés, ouais, intéressés par ce, ouais, ce côté-là. Ouais, ouais. Et sinon, pour tes pierres qui sont liées à... Ah route, bah, impeccable. Impeccable. Ah ouais, ouais, pas une, de problème. Une bonne... Ouais, ouais. Très bonne ambiance aussi, j'ai pu expliquer tranquillement aux gens la formation des minéraux, la géologie, l'histoire des mines, des mineurs. Enfin, tout ce qui me plaît, quoi. Ouais. Ben, parfait, hein. Ben, puis merci à toi de m'avoir permis de m'installer... Ma foi... Au milieu comme on de dit, voilà, très bien, ça s'est bien passé. Impeccable. Et bon, on n'en dit pas plus, ça s'est bien passé. Voilà. Très, très bien. Alors, Anka, cette expérience du ballon d'Alsace. Bonjour, c'était un plaisir de retrouver les copains. Primo, secondo, hein, on a un peu peint avec des gamins, et puis il a fait beau. Je suis contente. Merci pour l'invitation. Ben oui, parfois, même au dernier moment. Que ça a marché, ça a marché. Très excellemment placé. Mais tu m'as... Non, mais c'est pas grave du tout. Hein, j'ai passé, on a suivi le soleil, d'une part. Et puis, voilà, ça s'est très bien passé. Les gamins qui ont bien voulu rester. En fait, il faudrait qu'ils restent presque une heure pour pouvoir quelque chose, faire quelque chose de joli, de préparer d'abord, etc. Souvent, les parents ne sont pas prêts à rester ou attendre une heure. Donc, ce n'est pas grave du tout. Je voilà. Le plaisir était pour moi. Voilà. Merci pour l'invitation. Hein, et voilà. Donc, tu étais venu il y a longtemps. Je suis venu il y a presque 10 ans, exactement. Ça, voilà, ça, oui, oui. Je me rappelle, oui, oui. Je me rappelle une nuit qu'on a dormi là-bas, qu'on a attendu le soleil. Enfin, bref. Et donc, tu es content de ça. Oui, ah, ben, bien sûr, ben, bien sûr, bien sûr. Très bientôt. Voilà, ah, voilà. Tant mieux, tant mieux. À très bientôt. Et puis, bientôt, je rentre à la Bresse. Salut, bisous. Christophe, cette expérience du ballon. Ben, très intéressante, les gens passants sont dynamiques, souriants. Ils ne s'arrêtent pas beaucoup, il faut les interloquer hein, quand même pas mal. Toi, tu sais le faire, ça va. Ben, moi, ça va, j'arrive, oui. Mais comment dire, je crois que les gens ne lisent plus assez et qu'ils ont un a priori à ce propos. Il faut simplifier la lecture en leur proposant des lectures simples au début et puis après ça reviendra. Mais je crois qu'il faut motiver les gens à lire. Mais toi, tu avais des peintures aussi. Oui, j'avais des peintures. Alors elles n'ont pas fait fort effet, mais comment dire, rêverie il y a. Les gens ne disaient rien, mais n'en pensaient pas moins. Donc ça laisse pas indifférent, quoi, mes peintures. Certains vont faire bon, voilà quoi. Et d'autres vont ah oui, oui, oui. Donc c'est varié, hein. C'est varié, c'est toujours varié comme public. Tu as eu la bonne initiative de venir au micro tout à l'heure, de faire un de tes textes. J'aurais dû t'appeler un peu plus. Hein. Oui, je crois que c'est ça qu'il faut faire désormais entre musique, chanson que vous avez. C'était prévu, mais c'est le micro qui n'a pas marché, je voulais. Ah d'accord. Je voulais aller chez les uns les autres pour qu'on entende toutes les interviews que je suis en train de faire. On n'a pas eu le temps, il faudrait 2 jours. Oui, ah, oui, mais bon, ça se passe vite et en même temps. Oui, ça va. Mais toi, sinon, tu... Voilà. Moi, j'ai plaisir à exprimer toujours l'oral, des textes que j'écris moi-même ou d'autres auteurs, bien évidemment. Mais là, j'avais envie de faire rêver sur ce que j'avais écrit, moi, sur les planètes. Vous savez, ce lieu de Ramonchon, là, où il y avait un étang et de quoi camper dans des yourtes. Oui, voilà, oui. C'était ça le thème de la poésie. Bien, bien, bien. Eh ben, écoute, donc ce ballon pour toi, c'était comme auteur, c'est la première fois. Oui, c'est comme auteur pour la première fois. Et désormais, je suis motivé pour trouver un éditeur. J'en ai trouvé un, c'est très bien, mais lui-même n'est pas très performant, donc je m'attache à trouver encore d'autres différences chez d'autres éditeurs. Alors j'examine maintenant, je ne me précipite pas. Très bien. Très bien, très bien. Voilà. Eh ben, bonne chance alors. Ben, merci à vous tous hein, et puis à vous toutes. C'est un plaisir de rencontrer des gens dans des lieux si magnifiques. Segondino, tes peintures. Ah, voilà. On peut voir tes peintures, Segondino. Tu es le dernier à ce que je dois interviewer. Enfin, pas l'avant-dernier, il y a Félicie encore. Bon, allez, bien, alors, Segondino, tu as exposé que 2 heures, je croyais qu'il y en avait 4. Oui, j'en avais 3. Ah j'en oui, avais 3, mais il y en avait j'ai même pas une. Regardé. Il y en avait une, elle était fragile, elle avait un bois du châssis qui était fragile et je ne pouvais pas la fixer. Ah oui. Celle-là. Donc, alors, j'ai mis de côté. Moi, j'ai défini ça comme... il y en a une, c'est un peu une histoire de viking. Hein. Ouais, la grande, c'est peu... celle qui est, c'est inspiré, qui est la plus attirante. Oui. C'est inspiré du film. Du film enfin, viking. J'ai regardé pas le film, les feuilletons de vikings là et comment dire, ça m'a inspiré les personnages comme ça. Oui, oui. Voilà, Mais tu l'as fait comme ça, de tête. Ouais, ouais, de, si, oui, si, oui. C'est intéressant. J'ai si, elle est intéressante, celle-là. L'autre aussi, l'autre est mythologique aussi, avec cette espèce. Là. C'est quoi que tu as voulu représenter, là? Un guerrier, un combattant, avec 2 panthères qui remorquent son char. Ah oui, mais c'est imaginaire, ces panthères. Oui, c'est imaginaire. C'est bien, ouais. Je vais les prendre en photo, d'ailleurs, ça me plaît aussi. Et donc toi, cette inspiration en général, c'est assez mythologique. Ouais, ça tourne surtout autour des fictions moyenâgeuses. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup d'auteurs comme ça. Antique, moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Le char, une espèce d'Hercule avec son épée. Mmh. Ah ouais, c'est tes lectures un peu qui te mènent à ça, tes films. Je lis plus, je regarde plus de films, mais par un temps, ouais, je lisais beaucoup pour m'enrichir, pour essayer de trouver. Trouver l'inspiration, puis ça a marché parfois. Finalement, tu exposes pas souvent, toi? Bah, quand je serai content de ce que je fais, vraiment content de ce que je fais, j'exposerai. Voilà. J'ai déjà exposé à Vosges-Matin, à Saint-Étienne, au mois de février. Ouais, quand ils font leur expo là-bas. Puis j'ai pu faire après parce que j'avais pas grand chose à exposer. Ouais, mais c'est bien, il y a longtemps que tu peins comme ça. Depuis 2014. Ah oui. Ah ouais, ça fait quand même 8 ans. Et là tu as eu. Parce que tu étais c'est pas comme les auteurs qui contactent le public. Mmh. Tu as eu des contacts avec le public un peu sur tes œuvres? Non. Non, t'as pas eu. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Tu sais pas ce qu'ils en ont pensé, quoi. Il y a eu du personnel proche qui m'a dit qui m'a conseillé d'exposer. Oui. C'était à Vosges-Matin, la première fois que j'ai exposé. Et c'était des autres tableaux, c'était pas ceux-là. Hein. Ils sont chez moi en train de décorer. Et ils les ont trouvés beaux, et même moi aussi je les trouve beaux, donc j'y crois sincère. Parce que moi, je les trouve réussis. Ceux-là ne sont pas ratés, mais. J'aurais voulu faire mieux, voilà. Ah, non, c'est pas raté du tout. Non, c'est bien, cette inspiration. Je sais que j'ai pas eu le temps, moi, de le regarder, mais je pense que ça a attiré pas mal le public de plus en haut. Mmh. Tu vois, tes œuvres et celles de Marcel, les sculptures. Bon, il fallait une attraction visuelle pour que les gens descendent, un peu, outre la musique, bien sûr. Ouais. Bon, mais écoute, sinon tu es heureux de cette journée, alors. Oui, ça a été bien. Moi, j'ai passé un bon moment, moi, avec des gens... Des gens qui écrivent, des gens qui font un peu de tout. Hein. Ouais, oui. Voilà. Qu'est-ce que je te dise Non, c'était bien. Très bien, très bien. Mais tant mieux. Je remercie les gens qui sont passés. Ah oui. Voilà. Très bien, très bien. Je vais se déplacer parce qu'il y en a qui. Bah, à mon avis, ils ont pris du plaisir à venir. Moi, je connaissais tes œuvres, celle-là, ces deux-là, mais c'est toi, mais les voir dans la nature, ça donne quand même lumière du jour. Une ampleur, là, tu à vois. Lumière du jour. Ouais, ouais, ouais. Et la troisième que tu n'as pas exposée, je ne me rappelle plus ce que c'était. C'est une guerrière. Là, il y a 2 guerriers, et puis une guerrière. C'est une guerrière, un tableau que je peins depuis longtemps, puis qui est sur un fond de toile blanche. Ah oui. J'ai pas pu l'exposer parce qu'il a une barre du châssis qui est fragile et il aurait fallu que je la coince celle qui est en travers en médiane. Donc je risquais de la casser. D'accord, d'accord. Voilà. Bon, écoute, bravo en tout cas. Mais... Merci bien, je te remercie. Hein. Je travaille pas tout d'un coup, voilà. Je présente déjà l'aile de l'autre côté en face de moi. C'est un certain nombre d'écrivains qui sont là. Alors on va dans les chapiteaux qui sont là-bas. Vous trouverez d'abord Edwige Claudel avec ses mandalas. Elle nous vient du territoire de Belfort. Et c'est des mandalas très très inspirants pour tous, hein, petits et grands. Après, vous trouverez Jean-Louis Hans qui a ses romans de montagne fantastiques, hein, et qui vous accueille là-bas, sous son petit chapiteau blanc, là, après. Et puis, dans l'enfilade, en face de moi, je trouve les éditions de la Goutte d'Or, de la Goutte d'Étoile, pardon, de Marjolaine Pochet, édition nouvelle, qui, et elle est auteure aussi, et c'est aussi dans la poésie, la lumière, le fantastique. D'ailleurs, vous avez son étendard d'édition, là. À côté d'elle, vous trouverez Noëlla Cailly et son conjoint, si je peux m'exprimer ainsi, voilà. Donc Noëlla, les romans de la Lorraine profonde, la Lorraine des canaux aussi, toute cette nostalgie des rivières et des canaux de Lorraine. Noëlla Cailly, donc, il nous vient de Meurthe-et-Moselle. À côté, nous trouvons Alain Bérard, l'héroïque fantaisie vosgienne, qui est de Mandré, Alain Bérard, qui est un des familiers aussi du ballon. Noëlla, ça fait aussi plusieurs fois, ainsi que Edwige, ainsi que Jean-Louis, d'ailleurs. C'est avec plaisir qu'on les reçoit. Un peu après, nous avons un stand de Lison Génini, qui n'est pas là, mais sa sœur, Rosie, et sa maman, Lydie, nous les présentent. Et Lison, c'est une artiste, aussi une actrice également, ainsi que Rosie, qui est là. Hein. Ce sont des actrices de notre troupe recréée, d'ailleurs. Hein. Remarquable, on se donne rendez-vous, d'ailleurs, le 18 septembre, dans la forêt de Bussan, à la Casemus, pour une représentation du bal de toute vie. Après, je trouve un éditeur, les éditions Edisto, Yann Prouillet, qui édite sur toute la période historique, un peu plus particulièrement la guerre de 14, mais bon, on a toute la période de l'histoire lorraine, Edisto de Saint-Dié. Et derrière, vous trouvez Anka, qui fait peindre les cailloux. Voilà, c'est très joli. Et qui reçoit donc un peu tous les âges, petits et grands. Et puis, pour en rester à ce versant est, après on fera les autres versants, nous avons Stéphane Elie, qui est un historien aussi, et qui a tout son stand de bouquinisme, de bouquiniste régional, Lorraine, bien sûr, Vosges, Franche-Comté, Alsace, et c'est très riche aussi. Et il vient aussi souvent au ballon, et il nous rappelle aussi son père qui venait au tout début, son père disparu. Maintenant, Stéphane est historien aussi, président de la Société d'Histoire de Remiremont. Et donc tout cela, sur notre versant S, vous accueille, ainsi que les autres que je présenterai tout à l'heure après une chanson ou deux. Voilà. Ah, j'oubliais quand même, l'Union des écrivains vosgiens, mais je la présenterai un peu après, dans l'enfilade suivante. Allez, maintenant, un classique. La fille du... Elle descendait de la montagne sur un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de foin. La fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Non, c'est là toi que tu joues. Ah ben oui, mais attends, ça va pas. Oui, il y a une panne. C'est pas du... Une panne d'harmonie. C'est pas en sol. Ah oui, non, c'est mi mineur. Ah ben mi mineur. Je t'ai dit mi mineur, toi tu joues sol. Ah, je te dis peut-être sol. Recommence, ça va l'air. Oui.

à la suite, Félicie, avec l'Union des écrivains vosgiens, qui fait écrire des, si on veut, ateliers d'écriture passants, et puis qui propose les anciens cahiers vosgiens, notamment, de revue de l'Union des écrivains vosgiens, organisatrice de la fête avec Recré. Voilà, et puis je trouve ensuite Manu et la Sésame, Société d'études de sauvegarde des anciennes mines, qui présente l'ouvrage historique aussi sur les mines du Thiot, et qui présente aussi quelques petites pierres, pas toutes tirées des mines du Thiot, bien sûr, mais de pas loin peut-être, ou en tout cas de l'artisanat. Et puis ensuite... toujours dans l'enfilade, je trouve Jean-Marc Delpech, qui est en discussion en ce moment, et qui a les éditions de la Pigne de Saint-Dié. Édition, on ne peut plus l'engager, il faut dire ce qui est, et qui ont des ouvrages très inédits. Il vous les présentera sur, par exemple, j'en connais un, Alexandre Jacob, qui était un anarchiste et un peu cambrioleur, voilà, une sorte d'Arsène Lupin anarch. Et puis, ensuite, je trouve René Vassanviri, dont les romans, qui est aussi un artiste peintre et un acteur aussi, mais qui présente des ouvrages, et moi, il y en a un notamment, je sais que c'est un ouvrage assez fantastique sur la peinture, du côté, le versant fantastique de la peinture, mais aussi les Vosges, hein. Voilà, René Vassanviri de la Bresse. Après, donc, je trouve à ma droite Claude Gabriel Gillot, qui a bien le mérite d'être là d'ailleurs. J'ai parlé des gens qui étaient plus ou moins accidentés, et lui, il est là, c'est avec plaisir, il est longtemps qu'il est là, il est responsable d'écrivains comtois, hein, il vient du ballon région de Rousse-Goutte, hein, pas loin de Ramba, là, dans le 90, puisqu'ici c'est un peu la rencontre de tous les versants. Et il y a longtemps que Claude Gabriel, avec ses romans comtois, vient. Et puis, en discussion avec des gens du public, nous trouvons André Ballot de Gérardmer, qui est aussi historien par ailleurs, hein, de la Bresse, Racine-Bressonne, et qui présente là des ouvrages fantastiques, versants fantastiques vosgiens également. Voilà, donc après je continuerai à vous faire la présentation de entre quelques chansons. Voilà. À toi, Michael. Allez, on va faire un petit tour en Irlande. Ah oui. I played a right rover for many a year, and I spent all my money on whiskey and beer. And I'm returning with gold in red store, and I swore I will play the right rover no more, and he's no nay never, no nay never no more will I play the right rover. No more. I went to Anello's I used to frequent, and I told the landlady my money was spent. She says I asked her for credit, she answered me nay. Such a custom like yours I can't have any day, any no nay never, no nay never no more will I play the right rover, no never, no more. I took from my pocket 10 sovereigns bright, and the landlady's eyes opened wide with delight. She said I have whiskey and wine of the best, and the words that she told me were only in jest, and is no name never. No name never no more will I play the right rover, no never no more. I go home to my parents, confess what I've done, and I ask them to pardon my prodigal son. And when they caress me a soft time before, then I never will play the Ride Rover no more. And it no, nay, never, no, nay, never, no more will I play the Ride Rover, no, never, no more. And it no, donc un peu d'Irlande, et je continue alors à présenter les artistes et auteurs. Nous trouvons à ma gauche, peut-être que le maître, nous trouvons donc Christophe Philippe, qui mérite le détour à lui seul avec ses peintures, hein. C'est aussi un artiste plastique et il nous expliquera tout le sens caché, et ou pas caché d'ailleurs, et sa poésie, disons, particulière et métaphysique. On va dire métaphysique. Certains diraient déjantée. Voilà. Puis, replaçant les bancs, mais étant à son stand, Nicolas Cassagno, qui nous vient. Alors, Christophe, il nous vient de Ramonchamp, et Nicolas nous vient de Rouen-l'Étape. Alors, il a des romans, il a des ouvrages historiques aussi, et des romans. Que je qualifierais de percutant. Voilà. Nicolas Cassagno, qui sourit, qui est très sympa par ailleurs, voilà, qui vous recevra volontiers. Et puis, en discussion à l'heure actuelle, Michel Auvray, qui a son ouvrage sur le chemin de Compostelle, qui a fait. Les chemins de Compostelle a fait plusieurs ouvrages, deux ouvrages sur ce thème, et elle vous racontera tous ses périples. Elle nous vient de Malzéville, 54. Et puis, les autres artistes exposants sont les tableaux un petit peu héroïque fantasy de Segundino Maia da Silva, qui se prélasse à l'heure actuelle dans l'herbe, avec ses lunettes. Et puis, à côté, les ouvrages. Bon, il a pas pu monter les plus lourds. C'est Marcel Montémont, le facteur cheval des Vosges de Ramonchamp. Segundino, lui, nous vient de Ramon, de Remiremont. Et Marcel, bah, c'est des sculptures très particulières qu'il fait dans les arbres. Il est de Ramonchamp et c'est toujours très, très percutant aussi et très spécial que ces sculptures. Voilà, donc on a fait un petit tour, on refera notre tour, bien sûr. Chaque fois qu'il y aura des gens nouveaux, et ça me fait penser d'ailleurs, quand même, à Edisto, que je regarde, ils ont édité, Edisto a édité récemment un ouvrage sur le Nostradamus vosgien de Rue sur Moselle, un cas où on pourra discuter avec lui. Voilà, notamment, mais entre autres. Peut-être qu'on demandera après s'il y a des gens qui voudront lire des extraits, des petits extraits de leurs ouvrages. Ah, sinon, nous, on continue à chanter, hein, c'est sûr, on est là pour ça. Sol. J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais, là où les âmes n'ont jamais donné que des grenades, des goupillés, jusqu'à des riz, ma bien-aimée. Sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit aux hommes qui se battaient,

toi John Forrest et toi John Merry, si près du Chilec j'en ai le cou tordu, 15 marins du bahut du mort, yo plao, une bouteille de rhum, à boire et le diable avait réglé leur sort, yo plao, une bouteille de rhum, 15 marins du bahut du mort, yo plao, une bouteille de rhum, à boire et le diable avait réglé leur sort, yo plao, une bouteille de rhum. Merci. À l'âme de Michel Tonnerre, qui vogue sur les flots quelque part en, dans la mer du Nord ou dans l'océan Atlantique au large de la Bretagne. Sacré Michel Tonnerre. C'était donc l'émission Vivre et créer à la montagne, consacrée à la fête du ballon. Alors les prochains rendez-vous, eh bien, je vais vous les donner quand même, c'est le 3 septembre au Forum des associations Obi, au Tio, où vous retrouverez d'ailleurs Lison avec ses mangas aussi, puis vous retrouverez aussi Maggie et ses ateliers d'écriture Pote des mots. Le 3 également, nous nous retrouvons avec l'Union des écrivains vosgiens au Forum des associations d'Épinal. Voilà, nous vous accueillerons donc. Et puis ensuite, ça nous remet au 18 septembre, où là nous avons une importante manifestation, à la fois l'inauguration du tétraèdre, j'en ai parlé un petit peu dans l'émission, tétraèdre de notre ami Frédéric Durand, tétraèdre atome de carbone, atome de la vie, monument à la vie, avec l'après-midi à la 15 Muses, donc ça c'est dans la 15 Muses, la grande forêt entre Bussan, Vintron, Le Ménil. Et donc là, il y aura une pièce de théâtre, sans doute la dernière édition du Bal de toute vie, que nous donnerons donc autour des tourbières de la Casemus, forêt magique, terra incognita, accompagné notamment par notre musicien Christophe Toussaint. Et puis d'autres musiciens, on espère Michel Génini, en principe, s'il va bien. Et puis en tout cas, vous portez-vous bien. Arrivederci.